Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Maxime Tremblay, puis la fin de Mass Effect 3. Non! Rétro Nouveau. Aujourd'hui à Rétro Nouveau, les jeux Prototype 2, The Lost Vikings, Mario Tennis Open, Castlevania 2 Belmont's Revenge au Game Boy. On fait une discussion sur les jeux qu'on regrette d'avoir vendus et un top 5 des meilleurs jeux de cowboy. Bonjour et bienvenue à ce 28e épisode de Rétro Nouveau. Salut Dom! Salut Bruno! ça va bien toi? Ouais! Bon, hey, on est fresh et dispo. Ben oui, fresh et dispo. Parce que là, cette semaine, il y a une différence. GF nous filme pas. Ouais, GF nous filme pas. Ça fait bizarre, hein? Pot-pot, il y a un pot-pot qui nous réchauffe la couenne. Non, on n'a pas sorti rien. On n'a même pas sorti les verres Atari. On boit dans des verres normales. Fait que je vais pouvoir les mettre dans le lave-vaisselle après. 2 verres de moins à laver à mi-temps. Non, ouais. GF déménage bientôt, puis il déménage au début juin, je pense. Hein? Ouais, puis il y a tellement de stock à faire. Il y a du stock, puis en tout cas au moins... Puis même nos chroniques aussi, ils donnent beaucoup de travail. Ben, là, ils mettent tellement de temps t'sais. Là-dedans. Puis là. On a eu une chronique de 23 minutes là, ouais. L'autre fois, je pense. Ouais. Donc lui, c'est incroyable le travail que ça y fait. Non, donc on lui a donné un petit break. Là. Ouais. Puis en même temps, en faisant son ménage, puis en pactant ses affaires, il a envoyé aujourd'hui, drette là, sur Twitter, on est quoi là? On est mercredi soir, ouais. Des belles images de genre un NES, un Super NES, des oui. jeux, puis un Super Scope 6 qu'il a trouvé, genre. Fait que je vais rapper mes REER, je vais aller acheter un paquet de batteries, puis on va faire un jeu souvenir, on va jouer à Battle Clash avec le Super Scope 6. Ah, yes. J'ai bien hâte de voir ça. Mais hein, j'ai ça jamais essayé. J'ai touché à ça, là. Hey, j'ai jamais essayé de ah, ma non? vie. Non, ça va être vraiment mon baptême de feu. Colin. Yeah. Yes. Puis, oui, tu voulais parler parce que Max Tremblay nous a donné un bon coup de main. Ben oui, je voulais revenir là-dessus. Max Tremblay de l'Épée légendaire nous a dit que c'est bien beau iTunes, mais pour les gens qui n'utilisent pas des plateformes de Apple, oui. finalement, ils peuvent pas s'abonner. Oui. Donc, nous autres, ne connaissant rien là-dedans, on a demandé... Ne connaissant rien. rien du tout. On a demandé à Max, tu sais, ben là, ou lui-même nous a proposé, tu sais, mm-hmm. il nous a trouvé notre fil RSS, là, je sais pas trop. Il dit que ouais. lui, il fait ça à partir de là avec son Android, là, je sais pas quoi. Ben, c'est un whiz informatique. Ben oui, c'est un puissant whiz informatique, ouais. c'est clair. Donc, il nous a trouvé ça. J'ai rajouté les liens. Dans chacun des billets qui présentent les épisodes dans ouais. la section podcast, j'ai rajouté un icône pour iTunes puis un icône pour le feed RSS. Donc, j'ai demandé. Il dit que ça fonctionne. Moi, quand j'ouvre ça, je vois juste un paquet de codes. Là. Ouais. Je comprends que dalle à ça. Mais Max dit que c'est correct. Donc, c'est correct. Alors, bon. Vous, utilisateurs de plateforme non Apple, ouais. gâtez-vous. Vous pouvez maintenant vous inscrire là-dessus. Génial. Merci beaucoup, Max. Vraiment Mais, cool. Hein? C'est vraiment cool. Merci. Mm. Puis, on s'en va après-demain. Ben oui, on s'en va après-demain. Là, c'est dans pas long. Là. On s'en va à Tremblant. Ouais, on s'en va à Tremblant pour le week-end gaming. Hey, j'ai même pris congé vendredi. T'sais, même nice. Si on part vendredi après-midi, j'ai comme dit à mes clients, vendredi matin, je serai non disponible. Fait que là, je travaille au max pour régler ça, mais oui. je suis quand même là vendredi matin. Mais ça va me prendre du temps pour débrancher toutes mes affaires. Oui, là, tout ton stock que tu as préparé. Là, faut que j'amène ma PS3 en plus que j'ai ouais. appris aujourd'hui. Là. Et oui. J'ai 4 consoles à transporter, plus des fils, plus mes bobettes, plus des bas de rechange. J'espère que ça va fitter dans ton petit char. Ah, ça va marcher dans mon char. Là. De toute façon, j'ai mon gros char là, pour vous amener. Ah, tu vas voir ton gros char. Ouais, ça ne sera pas mon petit char. OK. Mais c'est ça, juste pour vous mettre dans le loop, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande c'est quoi ce week-end à Tremblant, tu sais. Ouais. C'est qu'à chaque année, depuis, dans le fond, ça fait 3 ans, là, ça va être la troisième fois qu'on fait ça. À Tremblant. À Tremblant, on l'a fait une autre fois vous. Avant chez nous. Ouais. Puis c'est ça, je fais ça avec des chums bien proches. On est une couple de chums, puis on se retrouve dans un condo de luxe. puis on joue à des jeux vidéo pendant toute une fin de semaine au complet. Du vendredi soir au... Ben là, on va arriver plus tôt, jusqu'au... Ouais, ça va être du vendredi au dimanche matin. Au dimanche matin, 10h, faut qu'on s'en aille. Exact. Mm. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on répète à toutes les années. Puis là, c'est hot, là, parce qu'il y a deux cool, PlayStation, là. 3 de branchés. Ouais. Il y a une Wii, il y a un Atari, un Super Nintendo, un Nintendo. On va amener une couple de consoles portables. Ouais. Puis écoute, des quantités de bière et de phare phénoménales. On va être loadés de toutes les bords. C'est malade, malade. C'était cœur, hein? Puis il y a beaucoup de monde, moi, qui m'ont demandé « Ah, ouais, mais le week-end gaming, pourquoi on peut pas venir? » Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi. Ben, c'est comme un genre de petit party privé, là, pour c'est l'instant. Ça. C'est parce un petit party privé, mais tu sais, j'avoue que ça pourrait être le fun, m'emmener, tu sais, de faire une soirée de gaming avec du monde, avec nos fans, tu sais, puis... C'est on la fera à Montréal, peut-être là, cette fois-là. Il ouais, faudrait louer la salle des Chevaliers de Colomb. Ben, c'est ça. Sous-sol d'église, ouais, après un galop de lutte, enlever le sang, tu sais, puis la piste. Puis... faire ça là. Mais j'aimerais beaucoup qu'on le fasse, ça serait par cool exemple. Qu'on le fasse. Mais c'est un gros événement à planifier, ouais. Pareil. Tu sais, il faut louer des TV, il faut louer le spot. Non, c'est beaucoup de planification. Puis on a... faut qu'on truste le monde. Faut truster le monde, ouais. On ne veut pas se faire voler notre matos. Exact. Fait que ça, c'est un petit peu épeurant aussi. Ouais, parce que, tu sais, malgré le fait que. Les fans sont très respectueux tout ça. Nous autres, on connaît pas le nom de tout le monde, on connaît pas tout le monde. Fait que c'est pas tout le temps évident. Là. Non, c'est clair. Mais c'est ça. Mais bref, mais tout ça pour dire que à Tremblant. Pour compenser votre absence. Ouais, votre absence. Il va y avoir non pas un, mais deux épisodes de Rétro Nouveau. Ça va, ils n'auront peut-être pas des longueurs comme ceux-là auxquels vous êtes habitués. Mm-hmm. Mais on va donner, dans le fond, un update, une espèce de petit wrap-up de ce qu'on a fait durant notre soirée, ce qui se passe. On va en faire un le vendredi soir. Donc il risque d'être plus court, celui-là, un peu. Ben, on peut toujours vous dire qu'on est allé à l'épicerie puis au restaurant, là, si ça vous intéresse. Ouais, mais on va sûrement jouer pas mal le soir. Ouais, puis, c'est vrai quand même. Que... Le lendemain, le samedi aussi, qu'on va en faire un. Ouais. Mais c'est ça, ça va être vraiment un épisode là, totalement straight. Il n'y aura pas de musique ni rien de ça. Ça non. va être de quoi de très frais qui va venir du fond du bois. Totalement. on met peut-être la musique d'intro d'Atsu. Puis on sac ça sur le site, puis c'est That's ça que ça va être. Donc, on va essayer de le mettre tout de suite après l'enregistrement. Là. Après l'enregistrement, on va envoyer ça. Donc, surveillez, dans le fond, si vous voulez écouter ça, surveillez le blog en fin de semaine. C'est la meilleure façon. Facebook, Twitter, puis de la minute que c'est online, on le tweet. Ouais, that's it. Mm. C'est tout ce qu'on va tweeter, par exemple, parce que sinon, on va être trop occupé à jouer. Ben, quoi qu'on sait jamais, j'aimerais que. Moi, quand j'étais l'année passée, j'ai raté parce que j'avais un mariage de mon meilleur ami. L'autre année d'avant, personne n'avait d'appareil photo. Non, c'est vrai ça. Puis, je sais pas, dans le temps-là, le monde prenait pas des photos Instagram à tour de bras. Comme moi, j'avais pas mon iPhone, tu sais. Ben j'avais vraiment ça. Un petit téléphone de merde. Puis j'avoue qu'on était bien occupés. Puis c'est moi qui ai pris des photos il y a 2 ans, tu sais. Avec à un moment donné, j'ai comme flashé. Hey, il faudrait prendre des photos. Fait que là, on a quelques-unes. Mais ça serait le fun d'essayer de prendre des photos. Puis les on va les en pitcher, prendre une là. Méchante gang. Puis, tu sais, j'suis un fan fini de cinémogramme. Ouais. Fait qu'attendez-vous à ce qu'en fin de semaine, vous n'ayez tellement vu que vous soyez malade. Ouais, c'est clair. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir en masse. Ça va ce week-end-là va avoir été là, photographié puis blogué en masse. Ben, c'est ça. Sais-tu, je disais qu'on tweetera rien d'autre, mais finalement, ça se pourrait non, qu'on tweet comme des malades. Il va en avoir, c'est sûr et certain. Là. En tout cas, il va se passer bien des affaires. Mm. Ou pas, on le sait pas, probablement oui, donc mais il va y avoir de l'audio, c'est sûr, donc surveillez-nous là-dessus. Yes, puis prochain point, la semaine prochaine, on va être invité à 3 bières. Oui, c'est vraiment le fun. Toi, ça va être ta deuxième Ça va être ma troisième présence. Visite à 3 bières. Deuxième. Non, c'est à cause de 3 bières. Trois bières. Il y a un chiffre 3 sur la feuille, là. Non, ouais, c'est ça. T'étais déjà allé. Puis là, dans le fond, moi, je vais y aller aussi. On va y aller en tant que rétro nouveau. Là, dans le fond, ça va être pas mal cool. Ah, moi, ça va être cool. J'aime beaucoup ce podcast-là. Fait que j'aime ça parler. Moi, j'étais un gars qui a vraiment des opinions sur les choses. Je me laissais tout le temps aller à trappe en philo. J'aimais bien ça, tu sais, comme parler. Là, fait que j'espère qu'on va parler des sujets parlables. Ah, c'est sûr et certain. Puis c'est tellement trippant, 3 bières. Moi, j'aime vraiment leur podcast. Puis les gars ça va sont être la cool fun, aussi. Ouais. Tu sais, vraiment. Ils ont trippé bien gros jeux vidéo. Et Yannick, c'est un gros tripeux de Nintendo de Power, jeux mais vidéo. Ça sur son blog, c'est malade. Ouais. Ah oui. Alors, les gars sont vraiment cool. Ben, la fille aussi. Ouais, ouais. C'est rien qu'elle nous parle moins. Non, mais ouais, c'est ça. Les gars nous suivent. Ben, Julie, elle parle tout le temps en anglais. Effectivement, on est comme bon. Mais elle n'est pas geek ou nerd non plus. Non, pas vraiment. Elle est totalement déconnectée de ces affaires-là. Ben, c'est ça un peu mais la force du bon. Show, ça mais fait oui. différent. Là. Exact. Donc, il n'y aura pas de rétro nouveau la semaine prochaine, mais non. On va être là. Mais en même temps, hey, regarde, il va en avoir eu un cette semaine, puis deux en fin de semaine. Ah, fait c'est que trois épisodes pour combler. Non, c'est clair. Moi, je pense que vous êtes assez gâtés. Ah, ça va être correct. Eh oui. Puis comme toujours, si vous manquez de rétro nouveau, allez écouter nos vieux épisodes. Ouais, allez voir ça. La chronique rétro nouveau de Elevator Action, très très bon. Ouais. Un bon jeu. Écoute, il y a plein de bons jeux qu'on a sortis, ou de moins bons aussi, qu'on ben a oui. fait découvrir aux gens. Donc, allez regarder ça, section podcast. Oui. Puis, dernier point. Oui. Diablo 3, Bruno. Tu aimais ça? Oh boy. Ah. Hey, le monde lâche pas avec Diablo 3. Sont tellement fâchés que j'aime pas ça. Mais tu sais, j'aime pas ça, moi, les jeux de même. Je suis comme ça. Puis, j'aime pas ça, le gaming PC. Puis, j'aime pas les. Tu sais, je suis pas un fan de RPG. Je suis pas un fan de RTS. Puis, je suis pas un fan de gaming PC en général. Fait que, tu sais, c'est pas mon genre de jeu, c'est tout. Mais tu sais, correct si vous jouez. Ben ouais, non, c'est grave. Ça. Là, tu sais, c'était la grosse affaire. Là, après, ah oui. Tout le monde est là-dessus. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, le réseau a planté. Là, oh, ouais, ils ont eu des problèmes d'internet. Je peux pas jouer, je peux pas jouer. Là. Non, c'est bien compliqué. Il y a un gars qui l'a fini tout de suite. Là, puis là, Joystick, il rapporte ça. Ouais, là, s'il l'a fini, ça veut dire qu'il a pas aimé ça parce qu'il t'a lu trop vite. Bah, bah, bah. Eh oui. C'est oh, malade, mon gars. J'ai même jamais joué à aucun Diablo. Là. Moi, j'ai joué. Je suis pas convaincu que j'haïrais ça. Moi, je pense que je pourrais aimer ça si j'avais le temps. Tu pourrais parce que déjà, tu sais, t'es un gars qui a un bon background RPG. Ouais, c'est ça. Fait, non, je pense que ça me plairait le pire jeu-là. J'ai juste pas le temps de me mettre là-dedans. Non, mais c'est des jeux qui sont bien faits. Là. Ben c'est oui. juste, c'est, moi, ben c'est oui. juste vraiment pas mon genre parce que c'est sûr que c'est bien fait. Mais si je jouais à ça, tu sais, à Retro Nouveau, je parlerais de ça une fois. Et après ça, je pourrais plus parler de rien parce que je ferais juste jouer à ça. Donc, c'est un peu. J'avais joué à Diablo 3 puis ah fuck encore. C'est tout le temps même affaire. Question de varier les jeux, on peut pas se lancer là-dedans. Désolé. That's it. Bon, je vais regarder ça. Moi, le premier jeu dont je vais parler cette semaine, c'est Prototype 2. Oui. Oui, Prototype 2. C'est un shapeshifter. Oui, t'es un genre de shapeshifter, ben, dans un genre premier, de shapeshifter, ouais. Dans le premier, justement, t'étais un bonhomme qui se fait infecter, puis ouais. ton infection fait que t'as des pouvoirs surnaturels incroyables, t'as des grosses griffes qui te sortent des bras, puis t'es puissant, t'es badass, puis tu détruis tout. OK. Ça, mais c'était les gars qui avaient fait Hulk Ultimate Destruction. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. Non. C'était un jeu de PS2 okay. qui était malade, qui était vraiment... Les contrôles étaient solides, puis c'était un jeu, un genre de sandbox dans lequel tu pouvais sauter super haut puis faire énormément de destruction, d'où Hulk Ultimate Destruction. Okay. Puis c'est l'engin de ça qui a été utilisé pour faire Prototype. Puis ça paraît, quand tu joues, je veux dire, c'est pratiquement les mêmes contrôles avec un autre bonhomme. Okay. Dans le deuxième... On incarne un autre personnage qui fait partie d'un groupe élite de mercenaires, puis il se fait infecter par le héros ou anti-héros okay. du premier jeu. Donc là, il se fait infecter, puis lui, tu te rends compte là-dedans qu'il y a des flashbacks, puis il a perdu sa famille, puis tout ça, puis c'est épouvantable. Puis il y a le Blackwatch, qui est une grosse organisation qui met les gens en quarantaine pour pas qu'ils s'infectent. OK. C'est comme une grosse affaire. Puis on le voit, là, en quand plus, même en cinématique. Complexe, la cinématique est vraiment belle. Oh, là. C'est oui. tout noir et blanc et rouge. Là. Exact. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment slick. J'ai beaucoup aimé le look des cinématiques en noir et blanc avec une touche de rouge ou de bleu. Puis c'est vraiment... l'histoire est quand même intéressante. Mon problème, c'est que le protagoniste là-dedans, tu t'en sacs un peu. C'est un genre de douchebag. C'est un nobody. C'est un nobody. Puis surtout, c'est quotes, toutes les... toutes les choses qu'il dit sont comme plates, tu sais. Ah ouais. Il est quasiment comme Mr. T, là, tu sais. Ah ouais? Ouais. Pourtant, Mr. T, il est cool. Ouais, mais il y a comme des catchphrases un peu poches, tu sais. Ah ouais, je le trouve. C'est cheesy, quoi. Ouais, c'est cheesy. C'est douchebag un peu. Là. C'est cheesy, puis tu sais, il est comme You better not give up, young man. Puis tu sais, il est un peu comme. C'est ça, il me fait penser à un lutteur, tu sais. Ouais. Il n'y a juste pas de saveur, tu sais. Genre de gars qui s'habille t'sais. Dans des boutiques de tapote, là. Oui, exact, tapoute. De tapoute. Fait que, bref, tu sais, si t'es un geek, il y a à peu près comme 75% des chances que c'était le gars qui essayait de te casser la gueule quand t'étais jeune, ouais, c'est à ça, l'école. C'est un ex-bully. Le douche, là, un bully, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que le protagoniste, on a de la misère à triper dessus. Par contre, il se contrôle à merveille, vraiment écœurant. Les contrôles sont super bons. Tu te sens comme un ballast direct en partant parce que t'as déjà plein de pouvoirs. Donc, contrairement au premier où la progression des pouvoirs était vraiment lente, celle-là, elle se fait quand même assez rapidement. Puis t'arrêtes pas d'évoluer. Puis c'est ça qui te pousse à jouer davantage parce que c'est un sandbox, c'est un carré de sable. Puis, okay. veux pas, tout commence à se ressembler assez rapidement. T'as tout le temps l'impression que tu fais la même chose. Mais ton personnage évolue, ce qui fait que t'as plus de fun à jouer plus t'avances dans le jeu. L'histoire est exemple, soudainement, tu peux te défoncer un mur pour aller à une place que tu pouvais pas parce que t'es rendu plus fort. C'est ça où, soudainement, tu peux juste détruire des choses que tu pouvais pas auparavant. Ouais. Comme, mettons, tu peux t'agripper à un hélicoptère pour faire un special move pour la défoncer de bord en bord. Ou tu peux soudainement, il y a comme une espèce de truc, ça fait une explosion autour de toi, puis tout le monde sont pognés dans des espèces de câbles, de tripes, sont tous découpés. Ah, t'as bon. Des espèces de mouvements weird de même qui se passent, mais ça évolue tout le temps. OK. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est ça le trip de Prototype 2, parce que c'est pas l'engin, c'est pas la ville. La ville est sans saveur. Mais juste l'action, visuellement, là, le trip de buter du monde. Ça, c'est trippant. Juste ça, ça serait suffisant. Juste ça, c'est suffisant. C'est pour juste te faire que... apprécier le jeu, je veux dire. Là. Exact. Ouais. C'est juste que moi, je l'ai pas fini le jeu. Là. Je l'ai commencé la semaine passée. Puis, tu sais, je vous donne mes impressions par rapport peut-être à 35-40% de fait. T'sais. Mais ce qui arrive là-dedans, c'est que je commence quand même un peu à me dire, bon, ben. Un petit peu tanné. Peut-être que là, ça commence à tourner en rond. Puis c'était le problème du premier, tu sais. Un moment donné, ça tournait en rond. Mais c'est genre le jeu, j'ai l'impression que tu le lâches, tu y reviens, tu le lâches, tu y reviens, puis t'as autant de fun. Puis c'est vraiment un jeu qui est trippant pareil. Puis je trouve que, contrairement au premier, il y a plus de progression dans le personnage. Tu peux faire plus de stock, fait que c'est quand même plus fun, puis ça avance beaucoup plus vite. Mais l'histoire, c'est pas ça qui me tient vraiment accroché. Puis il y a aussi un côté que je trouve vraiment poche, c'est quand t'essayes de trouver quelqu'un, mettons, tu prends une mission dans une espèce de boot des méchants. Ouais. Puis tu t'en vas voir, mettons, ils recherchent une personne. Là, tu vas la chercher avant eux autres pour l'assimiler. Parce que dans Prototype 2, tu peux assimiler des personnages. C'est vrai, c'est con, j'en ai même pas parlé encore, mais c'est ça la twist de Prototype. C'est que tu peux aller vers une personne, puis tu peux l'assimiler. Fait que dans le fond, tu prends son corps, tu prends son identité, puis ça te permet de pas te faire découvrir. Admettons, tu vas dans un camp ennemi, puis tu prends l'identité d'un colonel, admettons. Puis là, t'es le colonel pendant un moment. Tu restes-tu le colonel autant que tu veux? Ouais, c'est parce qu'après ça, tu peux switcher quand tu veux, de l'un à l'autre. Ah. Sauf que s'il te voit revenir à ta forme originale, si les ennemis te voient revenir à ta forme originale, ils vont te pogner puis ils vont te tirer comme des malades. Puis après ça, il faut que tu fasses baisser la lampe. Puis en faisant baisser la lampe, c'est peut-être de t'en aller à quelque part puis de changer d'apparence. Fait que ça, c'est un côté vraiment intéressant du jeu qu'il y avait dans le premier puis qui est aussi cool présentement. Puis une affaire qui est vraiment le fun là-dedans, c'est le côté furtif. Parce que tu peux visionner, admettons, tu visionnes un ennemi, puis là, tu peux voir c'est qui les gens qui le regardent présentement. OK. Fait que là, tu peux voir, genre, si tu peux l'assimiler ou non. Mais une chose que j'ai moins aimé, c'est quand tu essaies de traquer une personne, comme ce que je commençais tantôt. Puis quand tu essaies de traquer une personne, tu regardes, tu es en haut d'un building, puis là, tu pèses sur ton bouton, puis là, ça fait comme une espèce de gros aura rouge qui s'en va, puis qui revient. Ouais. Puis suivre ça, c'est super compliqué. OK. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer dans le podcast, mais franchement, les gens qui ont joué vont sûrement être d'accord avec moi. c'est pas mal plus compliqué que ça aurait pu l'être. Tu aurais pu mettre un point sur la map pour au moins t'enligner dans une direction plus qu'une autre, mais c'est vraiment compliqué. La preuve, il y a des YouTube là-dessus sur Internet pour savoir comment chasser dans Prototype 2. Okay. How to hunt. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un gros point faible dans le jeu. Il y a le côté répétitif du jeu qui est comme qui commence à se faire sentir. Mais malgré ça, j'ai énormément de fun. Puis moi, le jeu, là, il est descendu à 39$ dans certains magasins, vu que Max Payne puis Diablo 3 est sorti. OK. Ouais, il y a bien des orphelins de Diablo ouais, 3 puis de c'est Max clair Payne. Oui. Fait que c'est ça. Fait que vu cette baisse-là, moi, je trouve que ça vaudrait vraiment la peine à 39$. Ben franchement, là. Puis moi, je l'avais loué. Je vais sûrement aller me le procurer parce que c'est un bon jeu, il est bien fait, il est pas parfait évidemment, mais c'est le genre d'affaire, tu sais, que un sandbox pour moi c'est ça, c'est que tu y joues mais tu le finiras jamais d'une shot. Ouais. C'est, tu vas jouer à plein d'autres choses en même temps, tu fais comme ah, je me fais une petite mission puis that's it, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que bref, un bon jeu quand même, allez vous procurer ça. Cool. Et moi là, quand je voyais le logo de Interplay là, maudit que j'étais content. Ouais. Je trouvais que c'était synonyme de qualité, Interplay. Ah ouais, ben il n'y en avait pas des masses de jeux Interplay. Moi, les seuls que je me souviens, c'est lui, Flashback, me semble. Oui. Et, il y en avait un autre aussi. World. Ouais, mais le gars tout seul Black avec Thorn. Un gars. Ouais, Black c'était Thorn. Malade, c'était malade, Black tellement Thorn. Bon, là. Ça va me le prendre, ce jeu-là. C'est ça, tu l'as pas. Je ne l'ai pas encore. Je pensais cette semaine, j'étais comme, Dom, y a-tu Black Thorn? C'était tellement un bon jeu, là. On enregistre tu là? Ouais, on enregistre. Okay, okay. On enregistre. C'est l'intro de mon jeu. C'est l'intro de ton jeu. Ben c'est ça, comme on l'a mentionné, je vais vous parler de Lost Vikings, un oui. jeu de Interplay au PlayStation 3. Yes. Que j'ai, c'est que j'ai trouvé ça au marché aux puces Carignan sur la rive sud, proche de chez mes parents, Saint-Hubert, 5$. Okay. C'était pas sur la table, c'était en dessous de la table dans une boîte avec plein d'autres shitty jeux sales dégueulasses. Okay. Puis celui-là aussi, d'ailleurs, je l'ai nettoyé, puis j'ai blogué ça. Okay. Si vous voulez le oui, voir, j'ai vrai. Fait un avant-après dans la section acquisition. Puis maintenant, il est propre, mon gars. Je l'ai payé juste 5$. T'sais. C'est fantastique. Fait que, parce que c'est un jeu que j'ai valu à peu près à 20$. Là. Donc, oui. C'est un bon deal. Vraiment content. Puis, j'avais joué à ça dans le temps juste un petit peu. C'est un jeu, en fait, qui a commencé sur PC, ça, je pense. Hein? Oui. C'est très PC, me semble, comme, il y a eu, comme visuel. J'ai vu tantôt une version Amiga. Ouais. Fait ça se peut très bien. C'est ça, ça serait ça. Dans c'est un jeu d'ordinateur ouais. à la base. T'sais, dans le fond, de jouer au Super NES, c'est ça qui est un peu étrange peut-être en jouant à ça. Oui. En passant, vite de même, si jamais vous voyez de Lost Vikings 2, ça existe. Ça vaut pas mal cher. C'est très rare. Donc, si vous tombez là-dessus, achetez ça immédiatement. Nice. Donc, ce qui se passe dans Lost Vikings, c'est un concept intéressant. Oui. Trois Vikings qui sont comme projetés ailleurs, dans le temps. Okay. T'sais, pis si tu voyages... Dans le fond, pendant la nuit, les trois Vikings se font kidnapper genre par un vaisseau spatial qui les absorbe, qui les amène dans le vaisseau. Fait que là, tu commences tes trois Vikings dans le vaisseau. Tu traverses plusieurs mondes, tu fais tes tableaux et tout. Après ça, tu es dans le monde préhistorique. Après ça, tu es en Égypte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu reviennes chez vous, je suppose, en butant le monstre de fond. Je me suis pas rendu encore. Puis, le concept en arrière de ça, c'est que les trois Vikings, ils font des choses différentes. Ils sont les trois dans le jeu en tout temps, puis tu changes de un à l'autre pour pouvoir finir ton tableau. Parce que chacun a ses skills. Ouais. Il y a le gros, que lui, il a un bouclier, et puis avec son bouclier, il peut bloquer des balles de feu, genre. Okay. Ou il peut le mettre au-dessus de sa tête, ouais, puis c'est ça. Planer. T'sais, des fois, t'as besoin de loi. T'as besoin de faire un leap of faith. Tu prends ton gros, comme ça, tu peux planer, là, puis descendre doucement pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, tu sais. Puis il y en a un... Hey, j'ai oublié les noms. Genre. C'est drôle quand même. C'est quand même assez absurde que le gros, c'est lui qui plane. Ah, t'sais. C'est le bouclier. Tout est dans le bouclier. Il y en a un autre. Lui, il a une épée puis un arc. Puis il peut pas sauter. Okay. Fait que lui, dans le fond, tu le mets en arrière du gars à bouclier. Puis lui, il bute les ennemis. Là, ou il peut servir de son arc à flèche pour tirer des affaires au loin. Péter des chaînes pour faire tomber des plateformes. Il y a une cage, mettons, scraper le cadenas. Aussi, activer des switches. À distance pour faire tomber des choses, fait que c'est très pratique. L'autre qui est roux puis qui a des pantalons bleus, les deux autres étaient verts, lui il est genre bleu et rouge. Okay. Lui, son skill c'est qu'il peut sauter, les deux autres peuvent pas, et il peut courir très vite et puis faire le bélier dans les murs. Okay. Ainsi, tu peux découvrir des items cachés ou des fois, c'est nécessaire de défoncer des murs, faire d'autres choses. Donc, lui, tu t'en sers vraiment plus comme explorateur, là, finalement. Tu avances un peu dans le tableau, d'un coup, tu arrives, « Ah, shit, il y a un dinosaure qui va me rentrer dedans. » Là, tu pars à la course, tu reviens, tu arrives avec ton gros, tu mets ton gros comme barrage parce que avec son bouclier, les monstres, ils avancent plus, tu sais. Ils bloquent devant lui. Fait que là, tu mets ton gars à flèche en arrière, puis tu fléchouilles pendant ce temps-là. Donc, c'est purement stratégique, ce jeu-là. C'est pas un jeu d'action. Excusez. Mais c'était tout fait avec la bière tantôt. Ça va remonter. C'est à la limite un puzzle, un action puzzle. Moi je trouvais que c'était un jeu de puzzle. J'ai des vagues souvenirs de ce jeu-là, mais c'était du puzzle. Tes trois vikings sont importants tout le temps. T'sais. Il peut en mourir un, puis tu peux essayer de continuer avec les deux autres, mais ça donne rien. Il faut que tes trois réussissent à se rendre jusqu'à la fin du stage pour accéder au stage suivant, finalement. Puis c'est très stratégique. Puis c'est comme long un petit peu. Faut que tu explores, faut que tu y ailles doucement pour pas qu'il y ait rien qui t'apparaisse d'en face d'un coup, tu sais. Puis c'est ça. Mais tu peux mourir souvent. Tu meurs en faisant des guesses aussi, tu sais. À chaque nouveau stage, des fois, il y a des nouvelles trappes que tu comprends pas, des affaires qui t'arrivent, donc tu meurs. Fait que là, tu peux peser sur start puis faire recommencer tout de suite. Mais un problème qu'on a, puis c'est vraiment dégueulasse, chaque fois que t'es game over puis que tu recommences, là, il y a un écran avec un dracor en feu qui s'en va au loin. Puis genre, les trois statues des gars qui ont l'air de des fantômes, je sais pas quoi, qui apparaissent avec des éclats sur le bord de la falaise, comme si, genre, adieu, on est mort, c'est je sais pas fini, quoi. That's it. J'aimerais tellement puisse recommencer à l'instant, tu sais. Mais non, faut voir ce maudit écran-là à chaque fois. Il était fier. Ah, ben oui, mais c'est un bel écran, là. Mais à un moment donné, c'est comme, ah, t'as envie de vomir. Ça me rappelle Ghosts and Goblins, tu sais, au Nintendo. Quand tu recommences, faut que tu regardes la map au complet à chaque fois. Tu fais rien que ça, mourir dans ce jeu-là. Ah, c'est pénible, là. Fait que ça, c'est vraiment pénible. Mais bon. Ben, les stages sont pas si compliqués que ça. C'est juste compliqué la première fois. À un moment donné, tu catches, tu sais. Puis, mettons, t'as fini ce jeu-là. Après ça, tu rejoues, tu le passes une claque parce que tu sais tout où aller, là. Mais c'est ça. Puis, c'est très cool, en fait, parce que les trois personnages sont super bien animés. Tout est super bien fait. Et le dialogue est drôle aussi. Tu sais, ils ont des petites catchphrases, là. Toute l'affaire. Mettons, ça fait une couple de fois qu'ils meurent, que tu meurs, tu recommences ton stage. Tu sais, là, ils sont comme, hey, là, dégnaise-toi, buddy, là, on est tanné de recommencer, là. Hey, arrête de le chicaner. Là, il est bien correct. Puis comme, vraiment n'importe quoi. T'sais. Fait que ça, c'est super sympathique. Puis ce qui aide beaucoup aussi, c'est qu'il y a un système de password. Ouais. Chaque stage a un password. Et un password simple, seulement lettres et chiffres. Il y en a quatre, mettons. CJK9. Ouais. Genre, parfait, mon gars, tu notes ça, puis c'est réglé. Ben c'est pas genre c'est pas petit U, un petit I qui a l'air d'un J, après ça, un genre de gros A, puis là, après ça, un O, un 0, on sait pas. Là, t'as pas, tu sais, dégueulasse. Ben Donc, ça se fait super bien. Puis, ben écoute, en gros, c'est pas mal ça. C'est quand même un jeu le fun. C'est un jeu le fun. C'est un jeu unique, là, vraiment, de cette façon de faire. Puis, tu ramasses plein d'items aussi, j'ai oublié de le mentionner. De la life, des flèches en feu pour un des gars, des trucs pour faire exploser tout le monde, tu sais. Puis, il y a beaucoup de passages secrets aussi. Des fois, il faut que tu frôles les murs. Mettons, quand tu tombes, là, tu tires en bas, frôle un mur, puis pèse à droite, mettons, pour rentrer dans le mur. À un moment donné, il y a une faille, puis tu peux finir des stages rapidement grâce à ça. Fait, c'est pas un jeu facile. Plus que t'avances, plus que c'est difficile, là. Justement, tu fais des leap of fate, là, d'un piquant, tu sais, puis des affaires de même, puis là, tu shit. Fait que là, tu recommences. Moi, ça m'a usé un petit peu sur la longue, je te dirais. Ben, c'est parce que c'est un jeu qui est lent aussi. C'est un jeu qui est lent. C'est très lent. Quand tu recommences lent. Tu retournes chercher. Ah oui, là, il y a une pomme. Je vais aller chercher ma pomme. Après ça, là, il y a un steak. Faut que je cherche mon steak. Là, je continue. Puis là, faut que j'amène le gros. Faut que j'amène l'autre. Faut que j'amène l'autre. Quand faut que tu fasses progresser tes trois bonhommes dans une direction, c'est long, là, parce que tu n'amènes un, tu changes à l'autre. Tu l'amènes l'autre, tu changes à l'autre. Là, c'est comme, c'est trois fois le temps management que ça prend. T'sais. C'est beaucoup de management. Je pense que quand on était jeune, peut-être qu'on avait plus le temps de faire ça. On s'habitue. En recommençant le tableau, tu dis, bon, le gros, je ne vais pas le monter pour rien. Ben, je n'ai pas de besoin en haut, je vais le laisser en bas. T'sais. Donc, tu t'habitues, là, dans le fond. Ben, pendant que tu en fais tomber un, tu switches à l'autre pour y faire d'autres affaires. Donc, tu t'habitues à ça. Mais écoute, si vous tombez là-dessus, c'est un très bon jeu. C'est un classique. C'est sûrement disponible sur PC. C'est dans ma bible des mille et un jeux qu'il faut jouer avant de mourir. Puis c'est très vrai. C'est très, très, très sympathique. Musique excellente, en passant. La musique est vraiment cool. Genre, c'est comme... c'est genre rap avec ouais. la git, là, tu sais, ça fait tellement genre Jazzy Jeff, là, tu sais. Ouais. Mais c'est parfait, là, tu sais, parce que ça fit un peu le côté humoristique de ce jeu, là. Ah, donc, c'est cool. C'est un excellent jeu. Achetez ça si vous le voyez. Great. On continue en musique avec le thème de Kingdom Hearts 1. Moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai critiqué à Monsieur Net ce soir. C'est Mario Tennis Open à la 3DS. Je suis un petit peu mélangé dans les tennis. Là. Ouais. Il y en a tellement des jeux de tennis de Mario, là, GameCube. Mais le pire, Nintendo c'est qu'il n'y en a pas eu. Je checkais ça justement, puis il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu 4 ou 5 maximum. Puis okay. Celui qui est sorti sur la Wii, c'était New Play Control, c'était Mario Power Tennis qui était sorti sur la GameCube en 2004, il est ressorti en 2009 pour la Wii. OK. Fait que c'est pas mal le dernier qu'on a eu là avant d'avoir cette version là sur la 3DS. OK. Déjà direct en partant, moi ce que je m'attendais à avoir, c'était vraiment un jeu de tennis d'arcade. Pareil comme Power Tennis, fait qu'avec les Power Moves qui sont super cool, ouais. avec les terrains qui changent de place puis qui bougent un peu en dessous de nos pieds pour nous enlever certaines particularités, puis il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait comme plein de choses qui faisaient que le jeu de Mario Tennis était différent des Virtua Tennis, des Top Spin, ouais, c'est ça. Des arcade jeux au arcade max. Tennis, mais des jeux qui sont solide. C'est comme moi, je joue à Virtua Tennis 4 présentement sur ma PS Vita, puis je suis un fan fini, j'adore ça. OK. Puis là, Mario Tennis, qu'ils ont fait sur la 3DS, à place de donner une coche à tout ça, puis de rendre ça encore plus puissant, ils ont enlevé les choses qui rendaient ces jeux-là aussi intéressants. Fait qu'il n'y a plus de power-up. Comme pour les rendre un petit peu plus réels, genre? Ben, pour les rendre un peu plus réels, mais je pense que c'est je vois pas la raison. Pourquoi ils ont enlevé les power-ups, ça, je le comprends pas. Ouais. Pourquoi ils ont enlevé les terrains qui bougent puis qui sont super intéressants les uns les autres. Ils ont enlevé ça, je vois pas pourquoi. Tu sais, t'as mettons, t'sais, le terrain de Peach, le terrain dans le désert, ben oui. Mais il y a rien de différent. La seule affaire, c'est que la surface, mettons, est plus molle, est plus dure, fait que ta balle va rebondir d'une façon différente. Toi, t'aurais aimé ça un peu de fromage autour de ça. Ben, des grosses ballons roses pour Peach. Pis, ben, tu sais, pas rien que ça, t'sais, parce que, admettons, là, dans Mario Power Tennis, là, ouais. Admettons que y avait un terrain, entre autres, où les plaquettes bougeait en dessous de toi. Ouais, fait que si ça. La balle tombait sur une plaquette, whoop, tu perdais un bout de terrain, fait que tu pouvais plus y aller, fait que ça te restreignait à faire certaines affaires. Dans un autre, il y avait des espèces de plaques qui tournaient en dessous de toi, qui faisaient que quand tu étais à quelque part, tu pensais aller pogner la balle, là ça tournait, fait que ça déviait ton personnage. Okay. Fait que tu sais, c'était un autre genre de tennis que tu peux pas avoir dans un jeu de tennis conventionnel. Puis, ben dans le fond, Power Tennis, c'est l'ultime jeu d'arcade de tennis de Mario. De Mario. Puis wow. Celui-là, ça se veut une version un petit peu plus vraie. Ça se veut une version un petit peu plus occasionnelle pour tout le monde. Okay. Parce qu'en plus de ça, quand tu ouvres le jeu, la façon qu'il te donne de jouer, c'est que ton personnage, tu le vois au milieu de ta caméra, puis le mouvement du personnage est fait par la 3DS automatiquement. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de peser sur le bon bouton qui va s'illuminer en bas sur ta 3DS sur l'écran tactile. Ah, c'est juste ça? C'est minable. C'est peser sur des boutons sur l'écran tactile? Là. Oui. Ah, fait que là, tu as ça. La façon d'apprécier Mario Tennis Open, c'est de changer ça pour le mettre à la place de mettre le gyroscope. Tu t'enlèves le gyroscope, puis là, ça te donne une vue de haut, une vue classique, que tu vois tout ton terrain, tout ça, ouais. Où tu contrôles vraiment ton personnage, où tu contrôles vraiment tes tirs. Encore là, il y a un de ces tirs-là que c'est auto, que c'est automatique. Fait qu'à toutes les fois que tu vas faire ce tir-là, ouais. Il va jumper sur la balle plus rapidement, puis ça va faire tout le travail pour toi. C'est plate un peu. Ce qui est dommage, c'est que quand tu joues en multijoueur en ligne, mais il n'y a aucun moyen de savoir là, si la personne à l'autre bord se met méga ça. Automatique. Ouais. Le jeu joue tout seul. Puis tu sais, c'est drôle que je dise ça là, parce qu'il avait fait la même affaire. J'avais fait la critique de Tekken, tu sais, sur 3DS, puis il avait fait la même erreur. Est-ce que tu peux locker les combos, là, ouais. Puis les mettre les combos automatiques, ouais. Puis tu sais, c'est comme, c'est quoi ce mot d'ordre poche-là maintenant, tu sais, parce qu'en ligne, je veux dire, il n'y a plus aucune justice là maintenant. Ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi, puis tu peux te battre contre un gars super hardcore, mais toi, t'as juste des power moves tout le temps, tu sais, puis ça va fonctionner. Puis à Mario Tennis, c'est ça, c'est qu'ils ont juste enlevé tout ce que j'aimais de la série, tu sais. Mm-hmm. Ça reste à la base un bon jeu de tennis pareil, tu sais, c'est le fun. Mais moi, tant qu'à jouer à ça, là, m'aller jouer à un jeu de tennis réaliste comme Virtua Tennis ou Top Spin, puis m'avoir bien plus de fun. T'sais. Ou à tennis au NES. Oui, à tennis. Il était au bon, NES. Ce tennis-là. Oui, il était bon. Il était bien correct comme des jeu. Des lobes, puis des directs. That's it, mon gars. Rien d'autre. Mais c'était pas parfait. Pas coupé, rien. Ouais, non, c'était parfait. Pas cher, très bon. Mais Super Tennis au Super Nintendo aussi, il était très bon à ce qu'il paraît. Vrai. J'ai jamais essayé. Mais les bons jeux de tennis, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plusieurs sur Nintendo. Oui. Mais celui-là, là, je considère que c'est vraiment un échec. Mm-hmm. Puis il y a un échec à cause qu'ils ont enlevé trop de choses. Puis en même temps, en voulant démocratiser le jeu, en voulant le rendre plus accessible à tout le monde, ils traitent comme un peu le monde comme des caves. Ils les infantilisent. Ouais. Puis c'est pas correct, ça. Ouais, à la limite, il faudrait que tu aies une option dans le menu principal qui fait qu'est-ce que tu sais. Est-ce que tu es un débutant complètement? T'sais, est-ce que tu veux qu'on fasse une partie de travail pour toi? Est-ce que tu as déjà joué à un jeu de tennis? Est-ce que tu as déjà joué à Mario Party Tennis? Ouais. Il pourrait te donner au moins des niveaux avant de décider pour toi. Parce que ce qu'on t'offre au départ, c'est vraiment la version t'es un tata, comme je t'ai dit tantôt. Là, on contrôle tout pour toi, mon gars. Pèse sur le piton qui va s'illuminer en bas de ton écran, puis tu vas l'avoir, mon grand. Tu vas te rendre à Bowser, tu sais. Fait que t'as aucun intérêt à faire les matchs et tout ça. Il y avait un mode carrière qu'il y avait avant dans Mario Tennis qui était vraiment le fun, qui était intéressant, qui avait une histoire le fun autour, tu sais. C'était pas quelque chose d'incroyable, mais c'était quand même le fun. Il n'y a plus ça. Et ils l'ont complètement enlevé. Fait que ce que t'as là, c'est comme une espèce de petit tech démo cheap. J'avais l'impression de jouer à un jeu d'iPhone, si ça se trouve. Ben ouais, que c'est ça. C'est comme une version... Un jeu là, Wii Sport, genre. Ouais, c'est vraiment là, rabaissé là, à sa plus simple expression. T'sais. La seule affaire qu'ils ont ajouté des power-ups et qu'ils ont changé de ça, c'est que maintenant, il y a des... quand que la balle elle tombe, tu vas voir une espèce de cercle en bas avec un icône, genre une étoile ou quelque chose. Puis quand tu vas frapper ta balle, ça va prendre cette espèce de power-up-là. Okay. Mais tu verras pas des méga différences entre ces power-up-là. Puis maintenant, tu peux personnaliser ton mi avec ça. Des vêtements que tu peux acheter avec l'argent. Ah ouais, du Lacoste, man! Ouais. Mais tu sais, c'est des vêtements de Mario et des trucs de même. Puis là, c'est cool parce que tu peux ton personnage, il peut devenir plus fort. Sauf que il devient plus fort. Tu vois que t'as comme des petites pointes de tape. Ça fait comme, ah, en termes de vitesse, mon gars, t'es à 4 sur 6. En frappe, t'es 3 sur 6, tu sais. Mais tu peux pas te comparer avec aucun autre personnage parce que les autres personnages, ils ont pas de pointe de tarte de même. Ça dit juste, admettons, Bowser, il a un tir puissant. Ouais. Mario, c'est un all-around guy. Là. T'sais, lui, il est bon dans tout. Ouais, classique. Fait que, tu sais, t'as rien. On te donne rien. Fait que, tu sais, c'est... Je suis vraiment déçu, là. J'ai vraiment l'impression que Nintendo a travaillé tellement fort sur Kid Icarus Uprising que ouais, tout le reste est tombé à plat, tu sais. Ça se peut. Mais ça c'est vraiment c'est pas terrible, là. C'est vraiment, ça mérite pas d'être payé 40$, mais non, ouais, pas du tout là, parce que c'est quand même de l'argent, 40$. Oui, oui, ouais, ben oui. Quand tu regardes ce que tu peux acheter avec ça, mettons, ben oui, à la place, mettons tu veux acheter un jeu de 3DS, là, ouais, 40$, là, ça serait pas un premier pick. Ah, les jeux de 3DS, hein. non, tu vas ailleurs, tu sais, vraiment, parce que c'est pas un bon jeu de tennis, puis c'est pas une bonne façon de découvrir cette franchise-là qui était tellement excellente avant. Là. Ouais. Fait que, non, oubliez ça. Moi, j'ai donné un 6 sur 10 à Monsieur Net. Mais t'aurais même mieux donné un 5. Non, j'ai donné un 6 sur 10 parce que, tu sais, le jeu de tennis de base, quand t'enlèves le gyroscope et tout ça, il est quand même le fun, tu sais. Puis tu vois qu'il y a du monde qui joue fair game sur le multijoueur en ligne, puis c'est le fun quand ça arrive. Puis tu sais, jouer un contre l'autre aussi, tu vas avoir du fun, tu sais. C'est un bon jeu qui est bien balancé. Mais tu sais, là, c'est un petit concept, t'sais. En même temps, je trouve, ils ont travaillé sur un gros système de gyroscope et de pointage, tout ça, pour que, me semble, à base, que tu joues avec ça, oui, puis toi, tu laisses tout ça de côté pour, oui, jouer classique poche, tu sais. Oui. Fait qu'un peu, ils ont manqué leur shot, là, ben raide. Le but, c'est de jouer avec la nouvelle gimmick, là, pas la vieille, là, t'sais. Totalement. Mais tu sais, ça prouve que ça marche pas. Ça marche pas, c'est ça. Fait que, non, Mario Tennis Open, là, passé à côté. Non. Deuxième jeu pour moi ce soir, un de mes classiques, un de mes plus grands classiques. Castlevania 2, Belmont's Revenge, au Game Boy original. All right. Puis, en fait, je triche, moi, cette semaine, parce que j'ai pas eu le temps de jouer à d'autres choses que de Lost Vikings et d'autres affaires que je joue présentement, mais que je veux pas parler tout de suite parce que je veux me rendre plus loin. Fait que là, je vous parle de ce jeu-là, d'un, parce que je l'adore, de deux, parce que je suis capable d'en parler, mais très facilement, sans n'importe même avoir quel rejoué dernièrement, et de trois, parce que j'en ai vendu une copie de ce jeu-là à Maxime Larose, La Rose Nine, ouais, c'est ça, je sais pas comment le dire, sur Twitter, et de la Force G, aussi. Puis d'ailleurs, Dart Sim, toute la gang là, de la Force G, de Factor Geek, puis tous ces gars-là m'ont ultra comme blogué ou ont parlé de moi dans le dernier épisode de la Force G. Ils ont vraiment été cool là, sur ma boutique, puis les événements quand on se rencontre puis tout ça. Donc je vais leur faire un gros shout out et les remercier vraiment très fort. Puis Steve Lévesque aussi qui m'a acheté des jeux à moi. Oui. Donc je m'en rendais pas compte, mais j'étais en train de leur vendre des jeux moi, ces gars-là. Tous des gars de Factor Geek. Donc merci beaucoup à tous. Vous êtes pas mal cool, puis vous faites un excellent travail. Yes. Donc, lâchez pas. Puis voilà, donc pour Castlevania 2, ouais. Belmont's Revenge, le premier Castlevania au Game Boy Adventure, c'était... Oh, pas super. C'était pas écœurant. C'était dur, mon gars, là. Dur. J'ai réussi à passer ce jeu-là, man. Ça m'a pris 3 jours à laisser ça sur pause, puis beaucoup de patience, puis de recommençage. Le 2, c'est tout à fait le contraire. Belmont est encore lourd? Belmont est moins lourd. OK, moins beaucoup, lourd. Beaucoup moins lourd, puis moins slow que le premier. Là, il y a comme une vitesse de croisière normale. Puis quand il saute, ça saute justement. Là. Okay. C'est un gros problème du premier. Ça. Bon. Hey, ça, c'est le premier jeu de Game Boy que j'ai eu à vie, là, à part Tetris qui venait avec. Là. Fait que ça a été un méga bon pic, là, je m'en rappelle. Non, ce qu'il y a de hot dans ce Castlevania-là, qui est très différent, je pense, de tous les autres Castlevania, c'est le seul qui est comme ça. Alors, t'as le stage select, tu choisis le château que tu veux faire. Il y a 4 châteaux. Un Cloud Castle, un Crystal Castle, un Plant Castle, puis un Rock Castle. Donc, des éléments différents. Tu les fais dans l'ordre que tu veux. C'est toi qui choisis au début. Oui. Donc, c'est ça. Tu passes chacun de ces châteaux-là. Puis quand tu les as finis, whoop, dans le milieu, il y a le château de Dracula qui sort. Okay. Puis là, tu fais le château de Dracula. Déjà là, c'est très cool. Oui. Puis... Classique. Excusez. À la différence, c'est ça, du premier. Le personnage est beaucoup plus rapide, beaucoup plus comme flexible. Puis, on grimpe encore sur des câbles. Il n'y a pas d'escalier comme dans Castlevania original au NES. Ouais. Là-dedans, tu montes sur des cordes. Là, ouais. Fait que ça, c'est une affaire. Puis aussi, dans celui-là, ce qu'il n'y avait pas dans le premier et qu'il y a maintenant, tu as le choix entre 2 sub-weapons. Okay. Au NES, il y en a plusieurs. Mais là-dedans, il y en a juste 2. Tu as l'eau bénite et les haches. Donc, c'est déjà un gros plus aussi. Je sais pas pourquoi ils ont pas tout mis. Peut-être que ça prenait trop de power dans la cassette. Je sais pas. T'sais. Si on en met d'autres, il va falloir couper dans le château de Dracula. Bon, OK, d'abord, là, on n'en mettra pas. Puis je le check, là. Juste graphiquement, tu sais, présentement, je le vois descendre une corde à tout à l'heure. Il était quand même rapide, ce jeu-là. Il est super rapide. Les cordes, ça m'a pris du temps avant de découvrir ça. D'ailleurs, les cordes, tu peux peser par en bas puis jump pour les descendre d'une traite. Hey, ça t'as pas le choix parce que vite, le segment que tu vois là, moi, je passais là en me faisant piquer. Qui est en mort, tu sais, il y a un mur de pique qui te fonce dedans. Je me disais, bon, ben, t'as pas le choix, faut juste arriver là avec ben de la lèvre. Tu crèves pas, tu sais, mais. Non, non, j'ai découvert ça sur le tard. Puis aussi, des fois, quand tu continues de grimper sur les cordes, tu passes à travers le plafond. Ouais. Puis il y a des passages secrets. Ouais. Fait que ça, c'est cool aussi. Il n'y avait pas ça dans le premier. Du poulet dans le mur encore, les classiques. Ouais. Mais c'est ça. C'est très cool que chacun des châteaux soit comme un élément différent. Oui. Parce que les backgrounds sont différents. Les ennemis sont un petit peu semblables, mais il y en a des différents aussi. Les boss, tu sais, sont super hot là-dedans. Ouais. Là, sont sont très différents les uns des autres, encore une fois. Okay. Sont originaux. Ouais. Oui. Sont originales. Puis, c'est ça. Puis la musique, man. C'est la musique là-dedans, là, c'est vraiment, vraiment bon. Là. C'est tout bon. Je suis tellement épaté par la vitesse de ce jeu-là. Parce que les jeux de Game Boy, d'habitude, c'est vraiment pas comme ça. Pour un jeu de Game Boy, là, c'est un des rapides que j'ai vu. Ah, parce non, ça non, doit être un dernier dans le cycle de vie de la Game Boy. C'était-tu dans les derniers ou les premiers? Pas tant que ça. Ah oui? Ben, c'est pas dans les premiers parce que c'est Castlevania Adventure qui serait le premier. Ouais, mais rien que pour te dire, après ça, ils ont fait Castlevania Legend, que lui est dans les derniers. C'est vrai. Parce que lui, il fitait avec la Super Game Boy. Ouais. Les derniers jeux de Game Boy, c'est ceux-là qui fait avec la Super Game Boy. Okay. Là, dans le fond, Wario Land, Mario Land 3, là, Wario Land, ces affaires-là. Mm-hmm. Puis celui-là, non, c'est à peu près dans le milieu. Okay. Mais c'est facilement dans mes meilleurs jeux de Game Boy, là, avec Kirby et tout ça. Là, c'est vraiment bon. Puis c'est ça. Donc, tu fais tes 4 châteaux. Dans le tableau de Dracula, tu as 2 autres tableaux là-dedans encore. Okay. Puis dans le premier, tu as une espèce de boss là, vraiment violent, un genre de dragon qui part. Tu es dans un corridor sur rail. Puis un dragon qui passe de haut en bas sans arrêt. T'sais. Fait qu'il faut vraiment que tu planifies où c'est que tu vas te mettre. Les boss, c'est beaucoup de ça aussi. C'est de la... C'est des patterns. Des patterns. Faut savoir où se placer. Comme la première fois, tu vas peut-être mourir, mais après ça, tu vas le savoir là, exactement. Mm. Puis Dracula, à la fin, c'est comme ça qu'il se bat aussi. C'est un total pattern là, que même moi, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Là, parce qu'il lance des genres de balles de feu qui tournent. Fait que faut que tu te mettes précisément sur le bout d'une petite plaquette ou sur l'autre plaquette. T'sais. Fait que c'est ça. C'est pattern. Sauf pour l'avant-dernier boss, dans le fond, dans le boss du deuxième tableau de Dracula, c'est ton fils. Parce que là-dedans, t'es encore Christopher Belmont, qui est le même que dans le premier, mais 15 ans plus tard. Ouais. Puis là, Dracula, il a kidnappé ton fils, qui s'appelle, je sais pas comment le dire, Soleilu, S-O-L-E-I-U. Y. Soleilieux. Quel nom épouvantable. Soleilieux, je sais pas comment le dire. C'est comme Cornelieu. Cornelieu. Ça fait penser à Atreyu, tu sais, ouais. Un peu. Atreyu! Ben c'est ça. Mais faut, là, c'est le boss. Il est très dur. Je l'ai juste comme battu quelques fois. Là. Okay. C'est vraiment pas butable. Là. C'est un pattern aussi, mais non, c'est vraiment tough. Puis sa musique, là, lui, c'est comme... j'ai lu quelque part, je me rappelle quoi, c'est une musique d'un... notre Schubert, man, ou je sais pas qui, okay. une symphonie qui a été reprise puis tweakée, genre, pour mettre en arrière, là, c'est... là, t'es comme bien stressé, man, puis tu te poivres, puis tu te fouettes, man, tu capotes. Non, c'est vraiment un boss très difficile, là, je te le dis, dans mes pires boss au Game Boy. Mais c'est ça, une fois que tu passes au travers, tu t'en vas à Dracula. Dracula est moins pire que lui. Là, okay. Fait que, écoute, dans l'ensemble, c'est un jeu... de Game Boy vraiment bon, super rapide. Ouais. Il y a du décor en masse. Ben écoute, c'est pas Uncharted. Non, là, non, mais non, c'est sûr. Pour le Game Boy, mais c'est vrai que c'est beau en bas, pour le Game regarde, Boy. Tu vois un boss, ouais. là, le boss du Crystal Castle, qui est comme un peu def. Là. Ils prennent le temps de mettre des ruines antiques dans le background quand même. T'sais. Non, c'est beau, c'est bien habillé. C'est bien habillé. Puis tout ça, avec la musique béton qu'il y a là-dessus, là, ça fait un package vraiment incroyable. Là. Nice. Et puis que dire du titre du jeu Belmont's Revenge? Moi, je trouvais ça tellement badass. Comme, finalement, c'est pas tout le temps genre les Belmont se font taper ça. Dracula, la curse de Dracula, la quête de Simon. Là, t'es comme, la revanche des Belmont. Yes, sir. Fait que moi, je l'ai vendu 20$, c'est à peu près ça que ça vaut. Puis si vous le voyez, que vous tripez Game Boy original ou Castlevania, pognez-vous ça immédiatement. Malade. Rétronouveau.ca. Fait que moi, sur le site cette semaine, j'ai mis le Making of de Sleeping Dogs, qui est un nouveau jeu qui va sortir bientôt, dans lequel il y a justement la triade coréenne, ou je sais pas trop si c'est la triade coréenne. La triade, c'est pas la mafia japonaise. C'est ça. Ouais. Puis. Ce qui est incroyable et que j'ai appris dans ce making of là, c'est que les écrivains ont vraiment trouvé le moyen de rentrer en contact non seulement avec la police, mais aussi avec des membres de la triade. Fait que les membres de la triade les ont amenés dans des coins louches. Des vrais, des vrais, pour leur dire, tu sais, comment ça fonctionnait pis tout ça, pis qu'est-ce qui se passait, pis tout ça. Puis les gars, tu sais, ils disent, on n'était pas vraiment en danger, mais tu sais, on pouvait pas savoir non plus si on était en danger. J'ai trouvé ça vraiment intense. J'ai dit, comme tabarnouche, les créateurs de jeux vont vraiment loin maintenant pour créer un jeu le plus réel possible, tu sais. Ben ils disent même qu'ils ont vu une affaire qui se passe souvent. C'est comme un genre d'humiliation, mais un avertissement vers quelqu'un qui paye pas ses dettes, je sais pas trop. C'est qu'ils massacrent tellement. Sauf qu'il laisse en vie. OK. Fait que le gars, tu le vois qu'il est comme, il est magané, puis tout ça, puis il reste en vie, mais tu vois qu'il a souffert, là. Il a mangé une méga volée, puis là, il souffre. Puis ils en ont montré un au créateur pendant leur périple. T'sais, ils ont fait comme, tu vois le gars dans la rue, lui? Lui, on l'a amoché, justement, pour qu'il se souvienne de nous, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça malade que des créateurs de jeux aillent aussi loin que ça. Puis ce qui revient souvent sur les Pink Dogs, c'est le système de combat qui a l'air vraiment impressionnant. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est vraiment un jeu à surveiller quand même. Vous allez voir, moi je mets souvent des bandes annonces de ce jeu-là sur le site parce que je l'attends avec impatience. Puis ça a l'air vraiment efficace comme jeu. Nice. Ben moi je vais vous parler de Retroware TV. Oui. C'est un site qui existe dans le fond. Je dirais que c'est un channel. En tout, c'était « The source for classic gaming, videos and knowledge ». Fait que là-dessus, t'as plein de shows, dont tu connais-tu Pat de NESPunk? Oui, ben Pat à cause Country. De toi, oui, je le connais. C'est ça, lui, il est là-dessus. T'as plein d'autres shows aussi, de Game Chasers, que j'aime bien. Des gars qui font des marchés aux puces, là, tu sais, puis qui filment ça, puis tout, puis qui... Ils sont toute une clique, écoute, Pixels and Plastic de Video Game Years, de Gaming Historian, très bon. T'as aussi le Happy Video Game Nerd. Ouais. Il est pas mauvais, lui. Ouais, ben, il est bon. Hein? Il est bon. Il est pas pire pendant tout. Ils ont des podcasts où ben, chacun de ces shows-là, un peu comme nous, finalement, ont aussi des podcasts. Donc, leur channel est vraiment bon. J'aime bien The Game Chasers. C'est bien fait. C'est pas mal intéressant. Tu l'as mis sur le site, puis je trouvais ça cool. Ah ouais, vraiment. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est dans la section rétro. Ça vous tente de regarder ça un peu. Ça fait du stock. Il n'y a rien. Alors, dans l'épisode que j'ai mis sur le blog, il découvre un magasin rétro, out of nowhere, ouais. De même en revenant à la maison, là, tu sais. Puis, c'est un magasin incroyable, tu sais. Puis, il y a un backstore caché, tu sais. Puis là, le gars les laisse rentrer là, puis il y a du stock là-dedans, tu sais. C'est des joyaux, même. Ils sont comme, oh shit, tu sais. Moi, il n'y a rien que j'adore plus que de voir des gars, tu sais, trouver des trésors, puis racheter des jeux, puis tout ça. Je suis comme, ah, j'aimerais ça être là avec eux autres, tu sais. Fait que si vous êtes rétro collectionneur ou ramasseur de stock, tu sais, allez checker ça, c'est vraiment malade. Puis, ils nous ont followé aujourd'hui sur Twitter. Ouais. J'étais vraiment content, justement, parce que ça, je l'ai tweeté. Puis, ils ont retweeté ça, ils nous ont followé, puis un des deux gars de Game Chasers aussi. Donc, on a eu une couple de follow suite à ça. Là. Ouais. C'est des gars du Texas, donc une couple de follow de ce coin-là par rapport à ça. Fait que j'étais bien content. La discussion. La discussion cette semaine. Oui. Surtout de mon idée, vous l'aurez deviné. Ouais. Ouais, c'est sûr. Là. C'est les jeux qu'on regrette d'avoir vendus. Ouais. Jeux ou consoles ou les affaires que tu te dis aujourd'hui, ah, si boire, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? ça vaut une fortune finalement. Nous autres, les ramasseux, on pense à ça à tous les jours. Là, ouais. Moi, j'en avais du gear, mon gars. Là. Puis vous êtes plusieurs aussi à avoir fait la même chose. T'sais, dans le fond, pis c'est ça qui arrive encore aujourd'hui. Là. Ouais. Tu vends ton NES pour pouvoir acheter du Super NES. Mm-hmm. Tu vends ton PlayStation 2 pour avoir un PlayStation 3. Puis là, 10 ans plus tard, tu te dis « Fuck, man, j'aimerais vraiment ça, là, jouer à Ninja Gaiden 1 ou à Kid Icarus ou à je sais pas quoi. » Tout comme dans 10 ans, on va se dire « Ah, j'aimerais vraiment ça, jouer à Killer 7 au PlayStation 2 parce qu'ils l'ont jamais refait nulle part. » Donc, c'est ça. Mais c'est atroce de penser à ça, à tout ce qu'on a laissé derrière. T'sais, moi, j'ai toutes les consoles, comme tu viens de dire, je les ai toutes vendues acheter une autre console par la suite. T'sais, je vendais un bundle, genre mon Nintendo avec mes 20 jeux. Pour des pinottes, là, tu sais. Des vrais pinottes. Débarrasse de ça, mon gars. Rien que pour te faire un mini-fond pour être capable de te payer la nouvelle grosse console super chère, tu sais. Puis tous ces jeux-là, en plus, ils prennent la valeur. Là. Ben c'est oui. Ça, aujourd'hui, tu les revendrais à l'unité, man. Tu ferais 4 fois le prix avec. Mais c'est parce que dans 10 ans-là, tu disais, tu sais, oh, c'est ta seule source de revenus. Ouais, mais en même temps, tu sais, moi quand on a terminé avec le NES, là, puis que le Super NES sortait, on jouait plus au NES. Je me disais aussi, tu sais, comme, crème, le Super NES, c'est bien plus cool, là. Le NES, ça sera plus jamais cool, alors, ever, là. Non, c'est clair. C'est sûr que tu disais ça. Aujourd'hui, je trouve que le NES est cool, puis le Super NES, il est cool, mais égal, tu sais, un côté de l'autre, parce que les deux consoles sont comme différentes, tu sais. Ouais. Quand tu joues rétro, mettons Atari, Coleco et Télévision, c'est une coche en dessous, là, tu sais, mais je les mets quand même toutes égales dans le fun que t'as, mettons, à jouer à ça. Mais, tu sais, NES, c'est une affaire, Super NES, Genesis, tu sais, c'est comme toute une certaine catégorie, exact. Ça. Tout égal dans ma tête. Fait que c'est le fun de toutes les avoir, tu sais. Ah non, c'est vrai. Mais écoute, hein, moi, j'avais Final Fantasy 3 au Super NES complet, les cartes, toutes. Ça vaut une fortune aujourd'hui. Snow Brothers au Game Boy, tu sais, une affaire pas possible. J'ai tout. En plus, je me suis fait crosser, tu sais. Puis, tu sais, c'est mes parents, dans le fond, puis je les remercie quand même pour ça. Tu sais, Dominique, si tu vas avoir quelque chose, moi je voulais un snowboard. Si tu veux un snowboard, tu sais, faut que tu fasses de quoi, tu sais. Là, j'étais jeune, je faisais des petites jobines, tout. Là, j'ai décidé de vendre mon Super Nintendo, je jouais plus bien, pour m'acheter un snowboard. Là, j'ai vendu mon Super Nintendo avec genre 6 jeux, dont Final Fantasy et Actraiser 2, que j'ai blogué cette semaine d'ailleurs, qu'il m'a coûté quasiment 100$. Puis que même si c'est un jeu pourri, il vaut cher. J'ai Super Castlevania 4, tu sais. J'ai tout vendu ça pour 50$, tu sais. Juste Final Fantasy 3 aujourd'hui, complet, puis clean comme je l'avais, il en valait 150, tu sais. Je capote, mon gars, là, je capote. Ah ouais, c'est sûr, mais c'est certain. Qui l'aurait su, tu sais? Ouais. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je les garde, tu sais, les jeux, genre, en prévision de plus tard. Surtout si... Maintenant, ça va être du cloud ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Des copies physiques, ça n'existera plus bientôt. Non, c'est certain. C'est ça, tu sais. Déjà, les jeux de PlayStation 1, je trouve qu'ils commencent à avoir une belle valeur pour les jeux plus rares. Beaucoup de RPG, là, surtout les classiques. Là, Final Fantasy 7, 8, toutes ces affaires-là, ça prend beaucoup de valeur. Highlander, tu sais, il prend de la valeur lui aussi. Oui, c'est sûr. Castlevania, Symphony of the Night, Black Label, ça prend de la valeur. Il y en a plein comme ça, là. Ah, Mais ça m'écœure, c'est ça, tu nommes des noms depuis tantôt, puis moi, c'est toutes des affaires que j'ai eues, que j'ai achetées, c'est clair. J'ai payées, puis là, tu sais, comme, Caroline, j'ai tout vendu ça, tu sais, puis... Mais c'est parce que aussi, tu sais, dans le fond, peut-être tu t'en fous un peu, t'es probablement pas aussi amer que moi aujourd'hui. Non, moi, c'est pas ça, moi, c'est souvent juste le goût de jouer un moment donné qui me pogne, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça, tu sais. Mais moi, ce qui est drôle, c'est qu'avec le rétro gaming... Faut que ça soit vraiment vieux pour que je m'ennuie vraiment. Ouais. Fait que tu sais, présentement... T'aurais pas le goût de jouer au PlayStation 1 non, tant pas que du ça, tout. Là. Exact. Ouais. Moi, c'est vraiment, c'est, admettons, tu sais, NES, Super NES, Genesis. Mm-hmm. Ça, c'est ce que je veux, là, présentement. Ouais, ouais. J'ai déjà un NES, j'ai un Super NES, j'ai racheté tout ça. Puis j'ai recommencé à m'acheter jeux de NES, jeux de Super NES. Je veux me pogner un Genesis aussi parce qu'il y avait des jeux que j'aimais beaucoup dessus. Mais moi, avec, mais j'avoue que PlayStation 2, là, dans le fond, quand je rejoue, tu sais, je trouve ça un peu trop carton là, au look. Là, c'est comme entre les deux, tu fais comme vraiment moi, entre les ben deux. Là, Dreamcast a un peu la même affaire aussi. Ouais. Saturn, différent, je dirais, parce que le Saturn, c'est tellement tout en animation, puis CD, puis tout, c'est un feeling très différent, là. Mais effectivement, le PlayStation 1, ben, tu sais, mettons Tomb Raider, puis Crash Bandicoot, c'est des grands classiques, mais c'est lettre, c'est cubique, c'est carré, tu sais, c'est pas beau, là, Castlevania, je veux dire, ça marche parce que c'est 2D, tu sais. Highlander, c'est super beau, c'est 2D aussi. Le 2D, là, il était en force là-dessus. Puis le 3D, tu sais, même si c'était très précurseur, les jeux, aujourd'hui, c'est irk. Ah non, c'est là, sûr c'est et pas certain, le fun, là. C'est pas joli, là, tu sais. Et je pense que l'affaire que je regrette, console que je regrette le plus d'avoir vendu, puis c'est chacune d'entre elles, c'est toutes les Game Boy que j'ai eues. Ouais. Je les ai toutes vendues les unes après les autres. T'sais, les Game Boy original, SP, Micro. Micro, c'est cool. Micro, là. Je l'aimais tellement, là, cette console-là. Puis finalement, tu sais, j'ai à peu près 100$ aujourd'hui DS, si t'en veux une. Là, mais c'est ça, c'est cher. Puis... C'est vraiment cher pour ce que c'est, tu sais. Mais c'était le fun. Je l'aimais, cette petite console-là. Elle était écœurante, tu sais. Moi, je les garde toutes, mes consoles portables. Là. Ben, j'ai juste du Nintendo, là, de toute façon. Mais c'est pas comme si, au fil du temps, il y en avait des intéressantes. J'ai pas de Atari Lynx, tu sais, ou de Neo Geo Pocket, ou de whatever. Il y avait même un Turbo Graphics 16 portable. Game Gear, je les trouvais toutes moins le fun pour ceux-là que j'ai joué là, que Nintendo. Ah, ça, Game Gear, j'haïssais ça. Moi, avec, j'haïssais ça. Ça bouffait des batteries. Ouais. Fait que, c'était gros pour l'écran que t'avais. C'est ça, l'écran faisait minus. Mais c'était comme quand même jouer à un Genesis portable. C'était correct dans le temps. Là. Exact. Mais tu rejoues à ça aujourd'hui, c'est plate, là, de toute façon. Ben oui, moi, je trouve. Là. Non, je trouve, moi aussi. Mm. Mais tu sais, les consoles portables, c'est que, tu sais, il y a aussi... Il y a une différence de jouer sur une console portable d'origine que d'y jouer, admettons, sur un truc d'émulation ou, admettons, tu l'achètes pour ta 3DS, tu sais. Ah, ça fait toute une différence. Il y a vraiment une différence. Le sprite est vraiment différent. Les jeux de DS, tu sais, sont clean sur une DS. Oui. Tu sais, sa 3DS, ça les reformate un peu. Oui. Même les DSiWare que tu downloads, j'ai quasiment envie de m'acheter une DSi pour avoir le bon format de DSiWare, parce que là, je viens d'en downloader un aujourd'hui, puis je trouve pas ça beau. Ouais, c'est non, moi, j'ai joué sur ma DSi à ces jeux-là, parce que y a une différence. Là. Même les jeux de DS sur une 3DS, ça marche pas. Mais les jeux de Game Boy original sur une Advance, là, c'est vraiment plus crisp, puis aussi, c'est rétro-éclairé, fait que tu peux jouer dans le noir. Là. Le Game Boy original, tu sais, c'est très cool ça, comme item, mais my lampe God, là, c'est... pluguait dans puis la grosse loupe, puis le speaker en dessous, tu te ramassais avec un machin. C'est quand même une machine là, assez minable, là, quand on y repense, là, tu sais, en plus, 4 batteries, puis tout. Non, vraiment, la Game Boy Advance, la SP, c'est ça son nom, SP, celle-là qui flip en deux, là, c'est vraiment ultime pour ça. Là. Ah non, vraiment. Là. Mm. Puis moi, je regrette aussi d'avoir vendu... voyons, Colin, comment ça s'appelle? J'avais vendu Contra, le premier, puis vraiment pour des méga peanuts. Je pense que j'ai vendu ça entre 5 et 10 piastres. C'était une affaire de rien, tu sais. C'est clair. Puis je me souviens avoir payé une fortune pour Bayou Billy. Hey, moi, avec à Noël, revendu les Turtles. Vraiment un petit prix minable, tu sais. Oh, ouais, c'est clair. Parce que quand t'es jeune, en plus, t'as pas le sens du... T'as pas le sens de la business. T'es pas business, pas en tout. Tu vois, la pas du gain. Tu vois, je vais avoir de l'argent. Ok, cool. Exact. Puis moi, je vais avoir de l'argent. J'ai changé un jeu. Puis des fois, t'échanges un jeu. Puis c'est quatre fois pire. Non, c'est clair. Fait c'était des guests. Là. Ouais. Mais c'était pas terrible. Comme échanger Bad Dude contre Kid Icarus. C'est clair. Ou Castlevania 2, Belmont's Revenge contre les Turtles, Fall of the Foot Clan. C'était jeu moyen. Là. C'était vraiment moyen, ce jeu-là. Mais moi, même si c'était les Turtles, fait que tu sais, C'est clair. Et puis pas rien que les consoles. Moi là, j'avais une pile, mon gars, épaisse d'un pied de Nintendo Power découpé. Moi j'ai fait toutes mes murs avec ça. Moi avec, tu sais, j'ai fait plein d'affaires avec ça. Puis j'ai tout mis ça au vidange un moment donné, tu sais. Puis il y a des gens aussi. Ça me lève le cœur. Puis c'est comme ça, tu sais. Ils achetaient les jeux, mais ils jetaient les boîtes immédiatement, tu sais. Moi je gardais mes boîtes puis tout, mais tu sais surtout les clubs vidéo, mettons, tu sais, ils achètent un nouveau jeu, on sac tout ça au vidange, là, on met un gros sticker dessus. Là. Vraiment, là, c'est pas yard. Ça me manque, ça, les grosses boîtes en carton des c'était jeux. Tu revenais avec ça chez vous, t'es, oh, tu sais, t'ouvrais ça, c'était gros, là. Il y avait du contenu, puis il y avait beaucoup avais de carton. Stock là, à checker, là, tu sais, t'avais ta boîte en carton, tu l'ouvrais, t'avais le petit sleeve, le petit étui noir avec... La petite. Le booklet, tu sais, c'était vraiment écœurant. C'était là, vraiment avec la petite pâte de foam dans le bas. Ouais, c'est clair. Tu sais, je sais pas, il y a comme. Il y a de quoi qui. C'était est précieux, là-dedans. Là, c'était précieux. C'était un objet en carton précieux, qui pouvait se briser, là. À cette heure, des caisses à CD, c'est quand même tellement commun, là. C'est pas le même feeling, là. Mais moi, c'est ça, ce que je regrette le plus, dans le fond, c'est d'avoir été. Et tu sais, d'avoir été aussi insouciant sur le fait que, garde, ça reviendra pas, tu sais. Un moment donné, tu vas chercher ça, puis tu vas avoir de la misère, tu sais. Mais au moment où tu le vends, tu te dis, ben oui, non, ça va être super facile à pogner, ça, plus tard, là, tu sais. Ben, aussi, t'étais curé d'avoir, tu sais, chez vous, t'as Bayou Billy, là, tu te dis, je vais-tu garder ça pendant 20 ans, tu sais. C'est clair que non, je veux plus jamais voir ce jeu-là, tu sais. Exact. Mais là, aujourd'hui, on serait comme, hey, j'aimerais ça, essayer Bayou Billy. Puis là, on l'essayerait, puis on trouverait ça de la merde. Non, ben, on l'essayerait, mais au moins, on l'aurait, tu sais. Exact. C'est un peu comme ça, là. Ah ouais, tous les jeux que j'ai, là, tu sais. Mais non, faut penser à long terme, là, dans le fond. Garder même pour les jeux qu'on a maintenant, faut penser à long terme. Ça, c'est totalement ça. Là. Ça reviendra peut-être pas. Tu vas peut-être avoir de la misère à les repogner. Ben, il y en a qui reviennent, c'est ça. Puis même la 3DS refait des jeux de Game Boy et tout ça, mais ils font pas tout. Non, puis PlayStation 3 refait toute la série, refont des jeux de PS1 ou ils refont des versions HD et tout, mais c'est clair qu'ils peuvent pas tout refaire. C'est impossible, à mon avis. Donc, il faut garder l'œil ouvert là-dessus. Fait qu'on va checker les commentaires du monde là-dessus. Ben oui. Parce qu'il y a pas mal de monde qui ont répondu. Je vais commencer par un petit rapide sur Twitter. Il y a Six de Horror Gamer qui dit Earthbound au Super NES. Il était neuf, sacrément. Hey, ça, là, je sais pas si tu connais un peu Earthbound, là. Un petit peu. C'est genre l'ultime jeu, tu sais, populaire, recherché, rare, tu sais. Il y a même un gars qui avait fait une demande en mariage dans Earthbound, là. C'est vraiment, ça a l'air. Earthbound au Super NES, c'est pas le plus rare, mais il est quand même très rare, là. Mais il est hors de prix parce que ça venait avec tout un kit, ça, là, dans le temps. La boîte était grosse puis tout. Puis ce jeu-là, parce que c'est un excellent jeu, c'est un RPG qui se passe comme dans la ville, là, vraiment, tu sais, sympathique, là. Pis ce jeu-là, man, il vaut là, une fortune aujourd'hui. Là. Okay. Puis, nombre de personnes, puis j'en ai moi avec sur Facebook, qui l'avaient, qui avaient le guide de stratégie, le Strategy Guide avec, tu sais, puis toutes les maps, tout. Neuf, tu sais, ou en bon état, ça vaut des centaines de dollars. Puis le monde, ils ont crissé ça dans don, tu sais, pour avoir je sais pas quoi. Dans Earthbound au Super NES, c'est vraiment quelque chose. Là. Moi, j'ai François Courchaine qui dit. Des jeux, j'en ai acheté une tonne et j'en ai revendu une tonne aussi. Je garde beaucoup plus mes jeux aujourd'hui, par contre. Je n'ai pas vraiment de valeur sentimentale envers mes jeux. Je vois plus ça comme un objet de consommation ou de divertissement. J'ai des jeux qui valent cher chez moi, mais je n'ai pas l'intention de les monnayer chèrement. Si j'ai vendu un jeu que je voudrais racheter plus tard, je peux l'acheter habituellement pour beaucoup moins cher qu'au moment où je l'avais acheté neuf. Je ne trippe pas fort sur le rétro non plus. Les vieux jeux NES, je les ai presque tous joués. les 700, j'en doute. Ah oui. Quand j'avais 9 ans, à chacun ses goûts. Parce que c'est ça, il y en a aussi du monde qui s'en foutent totalement, là, puis qui sont pas... Ouais, c'est ça. Qui sont pas là-dedans, là, tu sais. Ah non, c'est sûr. Mais regarde, continue avec Facebook, parce que c'est ça, sur Twitter, ça a pas été... Pas été grosse chance. Twitter, finalement. Bon. On a eu plein de commentaires de plein d'affaires, mais c'est pas ceux-là. Alexandre Sanvido, je sais pas comment le dire, si je le dis bien, nous dit « Lorsque j'étais jeune, j'avais un NES complet avec le tapis, donc le Power Pad, que j'avais moi aussi d'ailleurs, oui. Avec Super Mario Bros. 2, 3, Zelda, tous complets. Je me souviens encore des magnifiques livrets dont je regardais plus le contenu que je jouais au jeu. Aujourd'hui, j'ignore où ils sont maintenant. Probablement donnés à des amis, à ma famille. J'y repense souvent encore. Comme moi avec, j'y repense souvent encore. Charles-Étienne Gervais. Je regrette amèrement d'avoir vendu mon Chrono Trigger au Super NES. Aujourd'hui, je fais tout pour essayer de le trouver à un prix raisonnable, mais je dois être patient. Ouais. Effectivement, toutes les RPG du Super NES, tu sais, puis de Genesis, puis tous les shooters au Genesis, ouais. Affaires-là. Les RPG, ça prend beaucoup de valeur. PlayStation 1, toutes les Final Fantasy, tu sais. Gardez ça à tout prix, là. Les versions, les Collector's Edition ou je sais pas quoi, là, gardez ça. Là. Mathieu Lamar dit « J'avais le gros kit d'Earthbound, mais je l'ai échangé contre NHL 94 et Final Fight 2. C'est ce qu'on appelle savoir fait fourrer en tabarnak, Dieu que je le regrette. » NHL 94. Hey, c'est des bons jeux pareil, là, Final Fight, tu sais, mais quand même. Ouais, mais quand même, quand tu y penses. Tu veux NHL aujourd'hui, tu le trouves, là, tu sais. Kevin Brasseur nous dit « Je regrette d'avoir vendu mon Super Nintendo avec tous mes jeux que je possédais. J'avais des jeux tels Zelda, Link to the Past en français, ce qui était rare dans le temps. Ouais, c'est ça. Donkey Kong Country 2, Mega Man X 2, Mario World. J'avais les boîtes, les livrets et tout et tout. Bref, j'ai vendu le lot incluant la console pour 80$ et la plupart sont des classiques aujourd'hui et ont une certaine valeur à mes yeux. Tranquillement, j'essaie de refaire ma collection. » C'est ce que j'essaie de faire, moi, avec, d'ailleurs, racheter les jeux que j'avais quand j'étais jeune. Ça me coûte, man, tellement cher, là, tu sais. C'est sûr. C'est ridicule, là. Benoît Bédard, je ne vends plus aucun jeu depuis maintenant un bon bout de temps. Je garde tout. Mais quand j'étais jeune, j'avais un NES avec une vingtaine de jeux et j'avais tout vendu pour pouvoir m'acheter de quoi de pas mal plus cool et nouveau dans le temps. Un Super Nintendo avec Super Mario World. Ce n'est qu'avec le recul que je regrette le move. Je finis par racheter une NES avec la plupart des jeux que j'avais dans le temps et même plus il y a plusieurs années. Et puis, Max Tremblay, j'ai donné toutes mes vieilles consoles NES, Super NES, Nintendo 64, GameCube, Game Boy, Game Boy Advance. On voit que c'était très Nintendo. Ouais, hein, vraiment. Il a tout donné ça pour faire plaisir à des enfants qui n'en avaient pas. Je suis fier de l'avoir fait, mais c'est clair qu'aujourd'hui, j'aimerais les avoir. Ce n'est plus possible. Côté jeu, j'ai rarement vendu un jeu de qualité, sauf Resident Evil 4 sur Wii, après l'avoir terminé. Ah. Ce que j'ai regretté, je l'ai racheté neuf tout de suite. Au moins, la vente m'avait donné 25$ et j'ai racheté le jeu neuf à 20$. Donc, j'ai fait 5$. David Junior vient. Je regrette amèrement d'avoir vendu Earthbound. C'est un jeu de collection que je ne retrouverai probablement jamais. C'est malade. C'est malade, les Earthbound. Earthbound, hein. Tout le monde l'a vendu. À 14 ans, Claude Laliberté, à 14 ans, j'ai vendu tous mes jeux de Sega Genesis au Microplay pour une pièce chaque. Je le regrette vraiment aujourd'hui. Une pièce! Une pièce, Microplay, man, crosse le monde! Ah, c'est vraiment l'enfer. Jacques Germain, comme plusieurs, j'ai fait l'erreur de vendre mon NES et mes dizaines de jeux pour un Super NES. Ensuite, j'ai vendu mon Super NES avec mes jeux pour une Nintendo 64. Ensuite, j'ai tout vendu ça pour un GameCube. Et c'est à ce moment-là que j'ai catché l'erreur que j'avais commise. Maintenant, je suis là comme un imbécile à payer des fortunes pour avoir tout ce que j'avais. Oh. Hey, c'est clair, en plus, tu sais, Nintendo, la 64, ça a tellement été décevant, oui, à mon vraiment, avis. Là. Puis, Jean-Michel Lavoie a dit « Je regrette d'avoir jeté mon Coleco qui était encore fonctionnel. » Oh, c'est comme, prends le Coleco, ouais, jette le Coleco dans la poubelle. Je ne veux plus de Coleco, maman. C'est assez intense. Tu essaies de le vendre au moins. Ah non, c'est clair. Mais je me souviens, moi, c'est ça. Mon, les parents. J'ai donné des affaires quand même. Là. Moi, avec mon petit cousin, j'ai donné genre mon Atari, tous mes jeux d'Atari. Puis ma grand-mère, elle en avait du gear quand même. Ouais. Puis ce même petit cousin, qui était plus jeune que nous, a tout ramassé. T'sais. Dans le fond, nous, on avait un NES, fait qu'on donnait nos Atari aux jeunes. Prends-les. Mon Atari, je m'en sac. C'est ça. Ça, ou genre, t'es parti aux études, t'as quitté ta maison. Là, toutes tes consoles scène dans le grenier chez ta mère, tu sais, puis là, elle est écœurée. Là, tu ramasses tout ça, là, on veut plus voir ça. Ou elle les vend, tu sais, au marché aux puces sans te le dire. T'es comme, oh! Elle vend 5$. Ben ouais, oui. 5$ pour tout. Là. Mais ça, dans les ventes de garage, parce que ça prend de la place, ça arrive souvent aussi. D'ailleurs, les ventes de garage, c'est une bonne place, ça. Mais il y a une place pour acheter du stock rétro. C'est là que vous avez les meilleurs deals. Ben oui. Les pawn shops, c'est correct, tu sais, mais ils connaissent. Il y a plein de monde qui ne savent pas la valeur de ça. Aucunement. Il faut profiter de ça des fois quand même. Ben oui, quand il y a des méga ventes de garage, c'est annoncé dans un quartier ou en région des fois. Bon, aujourd'hui, dans le village, tu sais, tout le monde fait une vente de garage. Ouais, ouais là, c'est hot, man. Mais il faut se lever de bonheur. On s'en va en musique avec Final Fantasy Mystic Quest au Super Nintendo. C'est la musique de boss. Oh. Les boss dans le jeu. Et puis, écoute, tout le soundtrack de Mystic Quest est vraiment excellent. Ouais, solide, c'est comme hein? un méga jam de guitare en 16 bits. Là. C'est badass au max. Donc, ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un la faire en version métal. Ah, tu vas sur YouTube, il y a des versions métal de plusieurs tunes de Mystic Quest. Puis c'est un bon jeu aussi, quand même. Je continue à le dire, là, ça vaut la peine. Puis c'est pas facile à trouver, mais c'est sympathique. Il y a même des rumeurs qui disaient que c'était le premier Secret of Mana. Mais ils l'ont comme appelé Final Fantasy. Ooh. Puis après ça, ils ont fait un Secret c'est Square of Soft, Mana. Ça. C'est Squaresoft. Ouais, c'est tout dans le cours à Square. Donc voilà, on s'en va écouter ça. Cette semaine, le top 5 est... Les Cowboys, les man! Les Cowboys, oh man. Yeah! Parce qu'on a joué à Sunset Riders la semaine passée. Oui. Excusez, puis vous l'avez vu probablement. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur notre blog, section vidéo. Oui. C'est le dernier vidéo qui est là, je pense. Oui. On a joué à Sunset Riders, on a trippé, puis écoute... On avait envie de continuer de boire du whisky et de parler de jeux de Cowboys. Yes. Donc, on y va. Oui. Numéro 5. Fait que je te laisse aller avec la cinquième position. En cinquième position, un de mes classiques de petit garçon, Stampede. Oui. C'est très hot. Disponible sur Atari, Coleco, je pense, Intellivision, tu sais, genre ZX Spectrum, probablement. Toutes ces vieilles consoles. C'est d'un premier jeu d'Activision, ça. C'est d'un premier. Oui, probablement. D'un premier jeu de cowboy. Oui. Ou en tout cas, très tôt. Mais c'est pas un cowboy fusil. C'est un vrai cowboy au sens. Mais c'est comme l'original, ça, vraiment. Les jeux de cowboy, là, parce que lui, il fait du lasso finalement. Il fait juste du lasso. C'est ça. L'écran, c'est sur rail. Ça s'en va vers la droite. Là, tu peux avancer de haut en bas. Et puis, tu cours après des veaux, finalement. Puis, il faut que tu les attrapes avec ton lasso. Fait que c'est ça la gamique. Faut pas que t'en laisses passer. T'sais, toi, t'avances tout le temps. Quand tu peux les repousser. Quand tu fonces dedans, ils continuent d'avancer. Ton lasso, tu peux en pogner deux de la shot, trois de la shot. Il y en a qui bougent pas, malheureusement. Ça, c'est très difficile de les pogner. Ils sont noirs, puis ils sont sur place. Fait qu'ils arrivent super rapidement parce qu'ils bougent pas, mais ils sont très payants en points. Puis c'est pas plus compliqué que ça, Stampede. Mais c'est super le fun. Même encore aujourd'hui, ça se fait bien. Là, ça se joue bien quand même. Mettons, tu joues à l'Atari, c'est un des jeux auxquels tu vas jouer le plus longtemps. Là, donc, cool. Moi, je tenais à l'avoir parce que ça prend des bases dans ces top 5-là. C'est comme l'original. Et ça, c'est un peu une base. C'est comme lui qui a parti de tout. Il y a, comme plus d'action là, parce qu'il y en a d'autres. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres aussi, on va les mentionner plus tard. Mais ça, c'en est un bon. Numéro 4. Quatrième position, Mad Dog McCree. Ah oui, Mad Dog McCree. Quel excellent jeu d'arcade. Ouais, c'est ça. C'était dans les premiers jeux d'arcade que j'ai vu, moi, en tout cas, avec du vrai monde filmé que tu tires. Pour vrai, C'était écœurant, là. C'était fou, là. C'était vraiment le fun. Puis en plus, le gun qu'il y avait à l'arcade, c'était vraiment comme un vieux gun, un vieux Colt. Un six-shooter, là. Ouais, c'est ça. Un vrai fusil. Il y en avait un rouge, il y en avait un bleu. Puis tu te sentais vraiment comme un vrai cowboy. Puis... Ça a tout le temps été mon rêve d'avoir assez d'argent pour pouvoir prendre les deux en même temps, là. Tirer à deux guns, là. C'est hot. J'avais pas d'argent ben quand je jouais à ça. Puis c'était cher, cet arcade-là. Genre une pièce, je sais pas trop, une pièce. Puis tu veux faire le move de la gâchette aussi, là, sur ton gun. Ah ouais. Que tu frappes sur la gâchette. Mais il fallait pas tirer à côté, celui-là. Oui, fallait. Tu tires à côté pour recrinquer, puis après ça, tu tires dans l'écran. Ouais. Mais moi, ça me fascinait, ces jeux-là. Oui. Tu sais, comment ça marche? Pourquoi le vidéo il interagit avec ce que comment je fais? Pourquoi le gars il tombe quand je le tire? Ou il y avait des bouteilles de bière, tu sais, t'es comme un bonus stage, t'es tiré, puis tout ce que après ça, le gars il te parlait, tu sais, tu viens de tuer un bandit, là le gars il surveille vers toi, hey, t'as bien tiré le bandit, il parle, tu sais. Il me connaît. Mais ils ont refait ça sur la Wii. Ils l'ont sorti en genre de package là, avec les deux autres, là, la suite, j'ai oublié les noms, Bounty Hunter, je sais pas quoi. Puis, pareil que c'était vraiment de la merde. C'était pas le fun bon, à jouer pas un du, bon tout. Part du tout. Là. Puis, c'est supposé venir sur la 3DS aussi. Ouais. Puis, bien sûr, tout le monde a bien la chienne de ça. Ouais. Puis, moi, j'étais bien excité, mais on a commencé à avoir peur. Là. Ouais. J'ai vu qu'ils ont Dragon's Lair, d'ailleurs, sur la 3DS présentement. J'ai eu envie de le prendre pour l'essayer. Ben, moi, Dragon's Lair sur iOS, j'adore. Là. C'est vraiment en tête. Puis, c'est digital, les jeux. Ils sortent à peu près tous les jeux qu'ils ont eu. Tous les jeux de LaserDisc, ils sont en train de sortir sur console iOS. Ah. Fait que. Mais Mad Dog McCree en est pas un, par exemple, de ceux-là. Non, c'est ça. C'est pas Digital Lasers qui l'ont fait, mais c'est le même principe. Mm. Non, c'est vraiment cool. Là, ça nous a fascinés quand on est petit. Numéro 3. Troisième position. Gun. Ouais, ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, là. Tu vas pouvoir m'en parler. Alors, moi, j'ai joué, là, sans arrêt à Gun, parce que moi, j'ai joué à la version PS2. OK. Qui était excellente. Ça a été la première version que j'ai jouée. Puis c'est un jeu qui a eu tellement de succès, qui est sorti sur Xbox, sorti sur GameCube, sorti sur 360, sorti sur PC, puis après ça, il y a eu un port sur PSP. OK. C'est tellement un bon jeu de cowboy, mais bizarrement un peu inconnu de certains. Il y a du monde qui ne savait même pas c'est quoi, mais côté histoire, c'est fiable, c'est fidèle à ce que c'est vraiment les westerns. Juste le voice acting est écœurant, la musique est écœurante, le gameplay avec le cheval, ça allait super bien. Dans ce temps-là, il y avait eu Red Dead Revolver de Rockstar qui était fucking bon. Qui était bon, mais il y avait des choses qui fonctionnaient moins bien dessus. Mm-hmm. Puis toutes les choses qui fonctionnaient pas dans Red Dead Revolver fonctionnaient à merveille dans Gun. Okay. Dans Gun, il y avait beaucoup plus d'événements, il y avait beaucoup plus de choses que tu pouvais faire avec ton cheval. Ouais, dans Red Dead, c'est très linéaire. Là. C'est ça. Un par un, les épisodes. Là, exact. C'est pas un sandbox du tout, en fait. Non, c'est ça. Fait que dans le Gun, t'avais comme une grande liberté, t'sais, puis t'avais vraiment l'impression de jouer au Grand Theft Auto, des jeux de cowboy, mais en même temps, il gardait quand même une histoire là-dedans, puis t'allais de village en village, fait que c'était pas trop tu t'en vas n'importe où, il y avait un filon, puis il y avait quelque chose dans ce jeu-là. Okay. Mais Moi, c'est un jeu, regarde, j'ai, sur la PSP, c'est drôle parce que juste avant d'avoir ma PS Vita, j'y ai rejoué sur ma PSP Go. OK. Puis j'aime autant ça qu'avant. Là. C'est vraiment fascinant comme jeu, puis c'est vraiment un beau et un bon jeu. C'est solide. Fait que... oh, excuse-moi, la poussière de l'Ouest. Mais si vous avez jamais joué à ça, allez essayer ça. J'espère qu'ils vont sortir une version HD de ce jeu-là. Ça serait vraiment intéressant parce que c'est ça. C'est un bon jeu de cowboy. Là. Et mais s'il l'a sur PSP, est-ce qu'on peut le pogner? Pas encore, ils l'ont pas fait. Il est pas dans les jeux de PSP que tu peux sélectionner sur ta PS Vita. Okay. Mais c'est vrai que quand ça va sortir, la version PSP est quand même assez solide. Nice. Numéro 2. En deuxième, Sunset Riders. On a joué un jeu de Konami au Super Nintendo, Genesis et à l'arcade. Yep. Un jeu très varié, dans le fond. C'est un run and gun, même si tu run pas vraiment. Là, mais écoute, c'est super sympathique. Oui, c'est le jeu le plus coloré de cowboy qui existe, à mon avis. Là. Mais avec l'attitude cowboy aussi, dans les personnages parlent, les boss parlent, puis c'est western. Là. Tu peux pas avoir un jeu cowboy plus cowboy que ça. Puis, quoi d'autre à dire là-dessus? Ben, tu sais, c'est un des premiers, sinon des seuls jeux de cowboy qui jouaient à 4. À l'arcade, évidemment, pas sur console. Dans les bonnes Konami trop hot, là. C'est ça, tu sais, c'était vraiment écœurant, l'arcade. C'était comme un gros jeu à l'arcade quand même, qui était très varié, puis tous les tableaux étaient vraiment intéressants. Mais c'est ça, on a tellement parlé la semaine passée que c'est ça qu'on se répète, là. Mais il est en deuxième position parce que c'est du pur fun solide, à jouer en multi, tu sais, même tout seul, de toute façon, c'est du gros fun noir. Ah oui. Numéro 1. Fait qu'en première position, vous l'avez probablement mal certain deviné, c'est sûr que vous l'avez deviné, là. C'est Red Dead Redemption. Ouais. Comment passer à côté de ça? C'est tellement un excellent jeu, là. Ben, on parlait de Red Dead Revolver tantôt, justement, comment est-ce que c'était linéaire, puis Gun était sandbox plus à la Grand Theft Auto. Ben exact. Là, c'est ça qui arrive. Ouais. Là, dans c'est comme un bon mélange des deux. C'est sandbox quand même, Red Dead Redemption. C'est vraiment un sandbox, Red Dead Redemption. C'est ça. Puis je trouve que ça garde toutes les qualités d'action qu'il y avait dans Red Dead Revolver que moi, j'ai vraiment trippé. Oh, oui, Redemption, j'ai juste commencé. Là. J'ai pas rendu loin encore. Là, parce que c'est quand même long de démarrer ça. C'est assez long. Moi, ça a été un des points faibles, peut-être. J'ai trouvé que ça y prenait beaucoup de temps avant de démarrer. Puis que c'est bien le fun de te sentir comme un cowboy solitaire dans le désert. Mais toi, aller de cheval en cheval, taillissait ça. Un moment donné, je t'attanais. Il n'y a pas de taxi dans le jeu-là. Non, c'est ça. Grand Theft Auto. Pas de taxi. Ben, il y en a un, mais c'est comme, tu sais, tu le rencontres plus tard. Ah c'est une espèce de carriole. Intelligente. C'est ça, tu peux te rendre plus loin. OK. Mais malgré tout ça, c'est vraiment, vraiment solide. L'histoire est hot. Le personnage est badass. John Marston, il est malade, ce bonhomme-là. La musique est très bonne. Ouais. Ça fait western au max. C'est vraiment comme un film de... Ah, c'est comme un film de Sergio Leone. Là. Ah, c'est ça. C'est la même affaire. Puis ce que je trouve le fun aussi dans ce jeu-là, c'est que les missions secondaires étaient aussi le fun que le jeu principal. Tu sais, chasser, aller chercher des nouveaux éléments pour vendre après ça, pour aller t'acheter d'autres choses. Ouais. C'était quand même intéressant. Les personnages que tu rencontres tout au long du jeu, ils ont gardé un peu cette espèce de qualité de script-là qu'ils ont dans les Grand Theft Auto pour un jeu de western. Puis t'as vraiment c'est de la qualité comme un gros film d'Hollywood. Ah, totalement. Puis la fin, elle te met vraiment sous le cul, là. Fait que, c'est ça. Je te dis pas c'est quoi la fin. Probablement, il y a la plupart des gens qui nous écoutent savent déjà c'est quoi. Ça. Mais la fin surprend. Puis c'est. Faut des couilles pour faire une fin de même, ben franchement. Ah ouais, là, hey, man, tu me fais capoter, là. Ah, je vais tout lâcher, puis je vais déclencher le jeu, là. Mais il mérite ça. Ben ouais, je le sais bien. Il prend vraiment beaucoup de temps, mais moi, pour la défense de ça, j'ai pris à peu près 3 mois pour le terminer parce que je jouais à ça puis je jouais à d'autres choses en même temps. Ben, c'est ça mon problème, hein, parce qu'il faudrait que je joue juste à ça. Puis, c'est ça. Mais les sandbox, pour moi, c'est ça. C'est, c'est des jeux auxquels tu joues de temps en temps avec un autre jeu, tu sais, qui est peut-être plus rapide. Ouais. Mais, quelle bombe, là. Excellent. Puis on avait des mentions. Ben oui, on avait des mentions. On va commencer ça au top 5. Je les ai pas notées, fait que dis-moi les dons. Qu'est-ce que j'ai mis, donc? Pour commencer, une de mes mentions, parce que c'est pas exactement un jeu de cowboy, mais c'est un cowboy, le personnage principal, c'est Gungrave. Ouais, Gungrave, À la PS2. Moi, ça, c'était un de mes hidden gems. C'est malade. Je pense que toi aussi, t'as joué. J'ai pas joué. C'est pas un jeu de Suda 51, ça? Non, c'est pas un jeu de Suda 51. On dirait que c'est un jeu de Suda 51, mais c'est tiré d'un animé japonais. Ah, voilà. D'un manga. Puis dans Gungrave, t'es un personnage, un cowboy qui se promène avec ses armes, puis avec un tombeau, un cercueil dans son dos. Ah ouais. Fait que là, le cercueil est accroché à son dos, puis lui, il sort des guns de ça, puis il mitraille tout le monde. Puis c'était un jeu, là, c'était hyper rapide comme gameplay. Tu tirais, tu plombais tout le monde. C'était vraiment hot. Puis le personnage principal, c'est un cowboy. Ah, excellent. Fait que c'est pour ça que je le mets là-dedans. Moi, j'avais aussi... Deuxième, t'as Red Dead Revolver. Ben, on en a parlé, là, dans le fond. On a parlé quand même, puis... Fait que c'était... Je comprends pourquoi. Redemption est meilleur, c'est juste la suite logique. Oregon Trails. Ouais. As-tu déjà joué à ça? J'ai jamais joué non à ça. Plus. C'est genre le premier... C'est un jeu qui est inventé. C'est un jeu éducatif. C'est un jeu éducatif. Fait pour l'école. C'est ça. Ça a été fait pour l'école. Ça a été inventé pour ça, pour les jeunes. C'est un point and click. Ouais. Même pas. Tu réponds à des questions. Tu réponds juste y a à des questions, passe, hein, c'est ça. C'est ultra vieux, tu sais. Mais c'est deux gars qui ont inventé ça pour les jeunes. Les jeunes apprennent à se servir un peu d'un ordinateur puis à réfléchir. Puis il y en a eu des nouvelles versions de ça. Il y a une version DS de ça. Oui. Puis il y a une 3DS qui s'en vient, je pense, des affaires comme ça. Puis ça a été refait, mais tu sais, comme à la base, c'est pas vraiment un jeu de cowboy, mais faut que t'es comme ça se passe dans l'Ouest, dans l'Oregon, puis il faut que t'amènes ta carriole à l'autre bout, tu sais, pour aller survivre ailleurs, puis tu croises des rivières, puis tout ça. Faut que tu chasses, faut que tu décides. Est-ce que genre. Je chasse pour nourrir mes troupes, tu sais, ou je les laisse un peu crever de faim, mais on avance plus vite, tu sais. C'est tous des choix comme ça. J'ai joué à ça à l'école. Ah ouais, c'est vieux comme c'est la terre. C'est un floppy. Oh ouais, totalement. C'est vraiment comme très vieux. Après ça, t'avais Gunsmoke. Gunsmoke, ben moi, j'ai jamais joué. Comment passer à côté? T'as joué à ça? Oui, c'est comme joué. C'est comme Commando, mais... Tu sais. C'est comme Commando, mais vu de dessus. Ah oui, non, Gunsmoke, je le mélangeais pour Hogan's Barrel. Hogan's Barrel, Hogan's Alley. Non, tu mélanges avec Wild Gunman. Oui, j'ai le mélange avec Wild Gunman. La dernière chose dont je voulais parler. Mais ben écoute, on va parler de Wild Gunman. Wild Gunman, c'est vraiment un jeu de duel au NES avec le Zapper. Il n'y a jamais eu de jeu de duel qui a coté ça, franchement. Ben, il n'y en a jamais eu d'autres, je pense. Hogan's Alley, c'était pas super. Gumshoe, c'était plate, là. Mais tu sais, on l'a pas mis dans les mentions parce que c'était pas parfait comme jeu, mais il y avait Call of Juarez. Ouais. Le côté duel de ça était quand même pas mal intéressant. Je pense que c'était une des affaires les plus intéressantes dans le jeu, les duels. T'sais. Ouais. Fait que ça, c'était le fun. Sinon, Wild Gunman, c'est tellement le fun. Ouais, c'était cool. Ça me le prend, je l'ai pas encore. Ah, c'est cool ça. Puis, bon, pour revenir à Gunsmoke, dans le fond, qui est un des premiers jeux de Capcom avec la vieille boîte, là, un peu comme Ghosts and Goblins et puis Mega Man 1. C'est ça. C'était comme Commando. Ouais. T'avances vers le haut puis tu tires, t'sais, sauf que t'es un cowboy à la place. Joël Martel de Fun Jouer Jeu disait que c'était vraiment excellent. Je ne l'ai pas encore, mais ça va me le prendre. Quand je tombe là-dessus, c'est clair que je l'achète. Là, pareil que c'était un must. Puis, j'avais aussi dans ma tête Cowboy Kid. Oui. Un jeu au NES fait par Romstar qui ont fait des jeux semi-bons, je dirais. Mais celui-là, paraît qu'il était correct. Oui. Puis, ça a l'air intéressant. Et aussi The Lone Ranger au NES qui est fait par Konami. Paraît que c'est bon. Je l'ai vu l'autre fois. Je ne l'ai pas acheté. Le gars, il vendait 20$. Je me dis, je sais pas, ça vaut-tu 50 ou ça vaut 7, tu sais. J'ai laissé tomber, puis finalement, ça valait justement à peu près 20$. Donc, OK, bon. Une aventure d'achat ratée. Mais les jeux de Game Boy, il y en a, des jeux, de Cowboy. Ouais. Il y en a, man, un paquet, on s'en rend compte, hein. Ben, vraiment, il y en a quand même pas mal. C'est ainsi que se termine le 28e épisode de Rétro Nouveau. Ouais. Hey, puis il n'y a pas rien que ça qui se termine. Il y a la saison de Monsieur Net. Oui. c'est terminé cette semaine. Cette semaine étant, là, on est mercredi, ça se termine vendredi. Oui, ça se termine vendredi, la saison vacances pour l'été. Mais quand même, Rétro Nouveau ne fera pas relâche. Ben oui. On va continuer. Comment ça va fonctionner, là, dans le fond? Vas-tu venir ici tout de suite après la job? Je vais probablement venir ici après la job. Là. On est écœuré pendant ton souper. On n'en a même pas parlé, c'est vrai, ça va être bizarre. Non, moi, je m'étais dit que, justement, j'allais aller chez nous, m'aller coucher mes kids, puis m'emmener chez vous après, tu sais, où tu t'en viendras chez nous, puis on va faire ça. Ouais, c'est vrai, on checkera ça. Ben, on checkera avec JF aussi, qui nous filme. Ouais, c'est ça, là, exact. Il y a une question de setup là-dedans, ouais. Là, fait qu'on verra bien. Ouais, on verra bien, mais on va être là, chose. En tout cas, c'est ça l'important. Ah oh, ouais, on va être là, on continue, on va être les là. Autres, là. On continue. Puis c'est pas mal ça. Je sais pas si toi, t'avais quelque chose à ajouter. Ben, non, là, j'ai la... Comment dire, la cervelle en sauce blanche, comme dit, comment il s'appelle, donc, chose dans Ghostbusters à la fin, là. Ouais. En tout cas, je me rappelle plus. Mais, ah ouais, non. Puis shout out. Écoutez la nouvelle version de Fun Jouer Jeu qui est Radicaboté. Ouais. Qui est comme un autre show, qui est comme un autre show qu'ils font où ils prennent des appels. C'est complètement absurde. Moi, je suis rentré en communication avec eux autres hier, puis on a parlé de poulet frit Kentucky pendant une demi-heure. Nice. Fait que je sais pas ce que ça va donner. C'était pas mal sympathique. Puis c'est ça. Puis il y a aussi les gars de Horror Gamer, un podcast que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai réécouté leur troisième épisode, moi, ce ouais. matin. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. D'ailleurs, ouais. Six m'a fait découvrir un jeu DSiWare que j'ai téléchargé. Ouais. Soul of Darkness. Puis j'ai commencé un peu, très content. Et... rip-off de ouais. Castlevania. Mais c'est un bon rip-off. Mais c'est un bon rip-off. Avenue jusqu'à ouais. la date, là, en tout cas. Ah ouais. Donc, non, les gars, ils nous en font découvrir. Puis c'est vraiment en tête. Ah, c'est vraiment moi, cool. Je vais faire un shout-out aussi au dernier des podcasts. Oui. De Éric Lafontaine, des Geekers, dans tellement le fond. Tellement solide. Avec là. Son collègue, dont j'ai oublié le nom. Maxime. Maxime, il dit tout le temps dans le hey, show. Hey, Colin, en plus, il dit tout le temps. Juste Maxime. Maxime dans... Paiement. Oui, Maxime Paiement, c'est ça. C'est Maxime ça. Paiement. C'est vrai. Écoute, moi, les films d'action, j'en écoute pas vraiment, là, tu sais, parce non, que... ma blonde, ça ne l'intéresse pas. Donc, j'écoute d'autres choses. Puis, mais tu sais, il me donne vraiment le goût à ça. Là. Ah puis, oui. Les analyses qu'ils font, tu sais, puis les affaires qu'ils trouvent dans ouais. les films, moi, je vois pas vraiment ça aller, tu sais. Fait qu'ils font ressortir ça. Ah, tu vois que c'est des passionnés, tu sais. Ils sont têtes, sont drôles. Sont, non, sont vraiment sous la coche, comme ouais, disent les gens. À coche. Donc, le dernier des podcasts, vraiment excellent. Ah oui, allez écouter ça, c'était cœur. Hein. Ouais. Fait que that's it. Fait que manquez-nous pas en fin de semaine. J'espère qu'on va publier l'épisode avant de partir. Ouais. Je suis en train de penser à ça. C'est vrai, genre, ah ouais, vous écoutez ça, ça fait deux semaines, c'est supposé être en onde. En tout cas, non, si jamais c'est raté, on va tweeter et puis on va bloguer comme des malades ouais. là, pour vous dire de ne pas manquer en fin de semaine. Puis, exact. Voilà. Great. Alors, on s'en va brosser. Ouais, c'est ça. Salut. Salut. Retro Nouveau.